Averses qui vont cette fois arriver par l'Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg. Dimanche, une matinée encore assez grise, quelques averses sur le sud le matin, un temps plus sec l'après-midi et pour les deux jours, une moyenne de 17 à 21 degrés. Bon début d'après-midi à l'écoute de Viva, il est 13h. 3 000 selon la police, 10 000 selon les syndicats, du rouge, du vert et bien d'autres couleurs dans les rues de Charleroi ce matin en soutien aux travailleurs de Caterpillar. Toujours ce cafouillage pour les étudiants en médecine. Maggie Debloc délivrera un numéro Inami à chaque étudiant en fin d'année 2017. Pour le reste, c'est compliqué. Les francophones ne verront pas le nombre de numéros augmenter en leur faveur. Il faut covoiturer, c'est le credo de ceux qui s'occupent de la mobilité en Wallonie. Ils l'ont fait savoir aux automobilistes ce matin, première opération de la semaine à Mons, nous y étions. Le journal de la mi-journée, présenté par Manu Delporte. Manu, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. D'abord, cette information exclusive de la RTBF, trois perquisitions ont eu lieu hier soir, notamment à Bruxelles et à Liège. Il y a eu des arrestations, deux personnes doivent être entendues, on les suspecte de faire partie d'un réseau djihadiste, Fabrice Grosfilet. Oui, c'est une information RTBF. Trois perquisitions ont été réalisées hier en Belgique, à Arron, sur le territoire de la ville de Bruxelles, à Schaarbeek et à Liège. Ces trois perquisitions ont abouti à deux interpellations. Particulièrement visé, un homme de 28 ans qui est soupçonné de participer à une organisation terroriste. Pour être plus précis, d'après nos informations, cet homme était actif sur un groupe de discussion Telegram où il aurait proféré des menaces d'attentat. Ces menaces ont donc été jugées suffisamment crédibles par les enquêteurs qui ont décidé de passer à l'action et de l'interpeller. Cette opération en Belgique rappelle trois interpellations qui ont eu lieu en moins d'une semaine en France pour exactement les mêmes motifs. En France, il s'agissait de trois mineurs. Ils étaient tous en contact avec Rachid Kézim, un homme basé en Syrie, d'où il est soupçonné de commanditer des attentats, des menaces pour le territoire européen. Merci Fabrice. 5000 personnes dans les rues de Charleroi ce matin. 5000 personnes pour dire stop aux logiques financières inhumaines. Une mobilisation pour l'emploi, après l'annonce de la fermeture de Caterpillar et la perte de 2200 emplois. La manif est partie de la gare, elle est arrivée place du Manège. Grégory Faub était avec les travailleurs. En tête du cortège, les travailleurs de Caterpillar, ouvriers, employés, cadres, ils sont tous réunis pour crier leur colère et leur désarroi. Franchement, on suit, mais on est décapités, on n'a plus de force à réagir. C'est beaucoup de rage. Beaucoup d'amertume. De très nombreux sous-traitants sont également présents. Une bonne centaine de travailleurs de la société Yousen Logistics ont notamment fait le déplacement. Attilio Di Bartolio travaille pour cette entreprise très dépendante de Caterpillar Gosselies. Nous, les sous-traitants, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Oui. On est dans le fou, là. Dans le cortège, de nombreux hommes politiques aussi, notamment Elio Di Rupo, le président du PS. Il y a un travail de fond qui est essentiel. Et puis, il y a aussi cette manifestation du soutien physique. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. Patrick Martens a lui déployé une banderole aux couleurs de la CGT. Il fait partie d'un petit groupe de délégués syndicaux français du site de Caterpillar à Grenoble. On va récupérer des machines de Gosselies, mais ces machines, elles sont moins rentables et en plus, elles sont facilement transférables. Elle ne peut pas jeter comme ça des milliers de personnes à la rue sans état d'âme. Vers 11h30, place au discours, les représentants syndicaux se succèdent à la tribune. C'est près de 6 à 7 000 emplois qui vont être détruits dans notre pays. Selon la police, la manifestation qui s'est déroulée dans le calme a rassemblé un peu plus de 3 000 personnes. Les syndicats, eux, estiment qu'il y avait entre 5 et 8 000 participants. Dans la manifestation, on l'a dit, de nombreuses personnalités politiques, pas Paul Magnette, le ministre président wallon et bourgmestre de Charleroi, n'était pas présent. Dans les rangs syndicaux, retour remarqué de Marc Goblet, le leader de la FGTB, qui était resté un peu à l'écart ces dernières semaines en raison d'un problème de santé. Une bonne nouvelle pour l'emploi, Engie, anciennement Electrabel, recherche 240 techniciens et ingénieurs. Un bureau de recrutement mobile, un camping-car, va sillonner la Belgique entre le 20 septembre et le 6 octobre. Les candidats peuvent s'inscrire sur Internet, ils seront seront conviés dans le camping-car qui passera par Liège, Gand, Charleroi, Hasselt, Anvers et Bruxelles. Il ne fait pas bon être étudiant en médecine en ce moment. Il y a le problème des reçus collés, ceux qui ont réussi les cours mais pas l'examen boucherie en fin de première. Ils ne savent toujours pas s'ils passeront en deuxième. Il y a aussi le problème des numéros inamis. Ceux qui terminent leur cursus recevront-ils le fameux numéro qui va leur permettre d'exercer leur métier? Eh bien, Maggie Debloch a confirmé hier que tous les étudiants de dernière année de médecine auraient un numéro à la fin de l'année en 2017. Pour les autres, c'est moins clair. On reverra la situation année après année. Et surtout, on n'augmentera pas le nombre de numéros disponibles pour les francophones. Ça restera 60-40, 60% de numéros pour les flamands, 40% pour les francophones. Philippe Marcourt, le ministre socialiste de l'enseignement supérieur pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, est déçu. Alors, ce qui ne me satisfait pas, c'est de ne pas avoir assez d'attestations INAMI, d'abord pour tous les étudiants en cours de cursus, et là je n'ai toujours pas la garantie. Deux, de ne pas avoir la garantie pour ceux qui sont à la fin du premier bac cette année et qui vont s'inscrire. Et trois, de la raison pratique de ce 60-40. C'est très particulier pour un gouvernement qui demande à une commission de planification de faire un travail scientifique et puis après de bidouiller les chiffres, c'est-à-dire de les manipuler. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On réduit le nombre d'attestations pour les francophones, on augmente celle pour les néerlandophones. Or, dans l'arrêt du Conseil d'État, justement sur le concours que nous avions installé, la grande critique du Conseil d'État était de dire « le fédéral ne fait pas son métier, il n'établit pas de manière scientifique, pertinente et transparente les critères qui établissent le nombre d'attestations par communauté ». Jean-Claude Marcourt, ministre socialiste de l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles avec Marc Mellon. Deux personnes interpellées la nuit dernière dans le centre-ville à Namur qui vit en ce moment au rythme des fêtes de Wallonie. Deux jeunes impliqués dans une bagarre sur la place Chanoine-des-Camps. La police de Namur est intervenue à 11 reprises la nuit dernière. Ce gros coup de filet mené conjointement en Italie, en Espagne et en Belgique, l'opération Orso Ali Goustré, elle a permis de démanteler une bande internationale. Elle organisait un trafic de voitures de luxe. Une cinquantaine de personnes ont été arrêtées. Julie Buron, parmi elles, quatre Belges. Quatre Belges, mais aussi des Nigérians, des Italiens et des Marocains. Leur cible principale, vous l'avez dit, les voitures de luxe de marque BMW, Mercedes et Land Rover. Des arrestations à Bruxelles ont montré que notre capitale servait de base logistique à cette bande internationale de haut vol. Un des quatre malfrats arrêtés en Belgique avait déjà purgé 3 ans pour des faits similaires. Cette fois-ci, les vols étaient donc commis en Italie, à Turin et à Milan. 1 an et demi que la police italienne surveillait le manège. Elle est d'ailleurs parvenue à récupérer 40 voitures pour une valeur dépassant les 3 millions d'euros. Alors Julie, sait-on comment ces voleurs de haut vol donc opéraient ? Oui, une caméra de surveillance a immortalisé leur modus operandi. On les voit donc en plein jour sur le parking de l'aéroport de Milan, quand les malfrats repèrent un véhicule, un homme fracture sa vitre latérale, un autre homme porte son complice pour le faire rentrer dans la voiture, puis à l'aide d'un appareil qui fonctionne comme un transpondeur, il démarre le véhicule. Ensuite, pour passer la barrière à la sortie du parking, eh bien là, il colle tout près la voiture qui circule juste devant eux et ils sortent collés à son pare-choc pour profiter donc de la levée de la barrière. La voiture est ensuite emmenée dans un garage pour changer de couleur et le tour est joué. Mais ça ne s'arrête pas là. La bande avait une autre façon de faire. Grâce à de faux papiers émis en Italie, ils se rendaient chez des concessionnaires espagnols et se faisaient remettre de vraies clés. Merci Julie. La route est à tout le monde, il faut la partager. C'est le partager la route, le thème de la semaine de la mobilité qui commence aujourd'hui dans 5 grandes villes wallonnes. Cette semaine, des mobi-guides vont se poster le long d'un axe plutôt embouteillé, vont distribuer des disques de stationnement. Le message est clair, stationnez-vous plus loin, mettez votre disque et venez à pied ou en transport en commun. Première étape de la tournée, Mons et Florence Dussart était sur place. Je m'appelle Arvin, je suis habillé tout en bleu, je porte un ballon qui représente la région wallonne. Un énorme ballon, on le voit bien là au-dessus de votre tête, là, il fait 1,50 m de diamètre. On essaie d'être visible un maximum afin de toucher un maximum de monde. Madame, c'est la semaine de la mobilité, pensez au covoiturage. Une bonne journée à vous. Ça vous parle la semaine de la mobilité ? Bah oui, hein. Enfin, quand on est en pleine campagne et qu'on doit venir travailler sur Mons, c'est un peu délicat. Mais c'est vrai que le covoiturage, on en fait de temps en temps. C'est rare quand je sors avec l'auto, ça fait une fois par semaine de saut. Donc, c'est un message qui vous sensibilise ou pas ? Ah bah oui, hein, on est confronté aux bouchons tout le temps, même pendant la journée maintenant, donc c'est évident. Donc on essaie de se déplacer un minimum. Je m'appelle Catel Fraison, je suis coordinatrice de la semaine de la mobilité pour le service public de Wallonie. L'idée de la région Wallonne, c'est donc de se dire qu'on se passe de sa voiture quand c'est possible. Mais je pense qu'il ne faut pas décourager les gens en leur demandant de se passer la voiture à tout moment. C'est pour certains déplacements, en fonction de son agenda. Disons que la mobilité, c'est très compliqué. Il n'y a pas de réponses qui sont apportées au niveau politique. J'ai pris longtemps le train, mais ça met beaucoup trop longtemps. Donc voilà. Plus d'une heure et demie pour rejoindre la capitale, c'est pas normal, on va plus vite à Paris. Une violente explosion dans un immeuble à Dijon, en France. Explosion probablement due au gaz. Il y a 18 blessés, 2 personnes sont entre la vie et la mort. En fin de matinée, les secours exploraient toujours les décombres pour s'assurer qu'il n'y avait plus de victimes. En sport, la Coupe Davis ce week-end. La Belgique affronte le Brésil. Ça se passe à Ostende. Notre pays, finaliste l'an dernier, est favori pour cette rencontre. Darcy affrontera le tombeur de Goffin à Rio, Thomas Bellucci. À 14h, c'est David Goffin qui monte sur le court. Il affrontera Thiago Monteiro, 101e joueur mondial. Le Liégeois est confiant. Sur le papier, je pense qu'on est favori, évidemment, avec mon classement, avec Steve qui est en forme, qui a bien joué à l'US Open. Maintenant, ils ont une très belle paire de doubles. Et puis, j'ai perdu contre Bellucci au JO. Donc, c'est quand même très équilibré, même si on est un peu favori sur le papier. Mais voilà, peu importe qui est favori, on se donne toujours à fond. On essaie de gagner le plus de matchs possible. La Coupe Davis, c'est particulier parce que le calendrier est hyper chargé. Mais vous continuez à la jouer malgré tout parce qu'on aime jouer la Coupe Davis. Vous aimez profondément défendre les couleurs de votre pays. Bien sûr, on n'a pas 36 compétitions auxquelles on peut défendre ses couleurs. Voilà, c'est une semaine spéciale. Ça fait toujours du bien. On n'en a que 2 par an, voire plus. Comme l'année dernière, quand on se retrouve, c'est les différentes émotions. On joue pour son pays, on joue pour une équipe, le public, tout le staff, surtout quand on joue à domicile, c'est vraiment chouette d'avoir des émotions, des supporters comme ça. Donc ça reste quelque chose de très spécial, la Coupe Davis, pour chaque joueur, je pense. David Goffin avec Christine Anquet, que nous retrouverons toute cet après-midi en direct sur Vivacity. L'inforoute, c'est avec Adrien Demet, des problèmes sur l'autoroute 25 à hauteur de Wandre. Oui, c'est entre Maastricht et Liège, suite à un accident qui s'est produit donc au kilomètre 11.9 à Wandre. La bande de droite est neutralisée et cela ralentit le trafic en direction de Liège. Non loin de là, pas mal de perturbations également. Sur le 40 entre Bruxelles et Aix-la-Chapelle, ça coince avant le chantier de Charat. À partir de Votem, comptez une trentaine de minutes supplémentaires. C'est en direction donc de l'Allemagne. Sur le ring de Bruxelles, vous perdez quelques minutes en circulation extérieure entre Woluwe, Saint-Etienne et Diegem. En circulation intérieure également de Grand Bigard à Zélic, ainsi qu'entre Zaventem et Woluwe, Saint-Etienne vers Waterloo. Et puis suite à cette manifestation à Charleroi, sachez que quelques mesures trafic sont prises, notamment sur la 54 où la bretelle de sortie est de nouveau fermée en direction de Charleroi. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et nous prenons à présent l'avis du bon côté avec Sylvie Honoré. Vous allez nous dire qu'il faut prendre soin de ses amis, tous ses amis, hein, y compris ceux qu'on ne voit pas. Voilà, les amis intérieurs. Est-ce que vous avez déjà vu, Manu, de tout près, un optimiste professionnel ? Eh bien, c'est lui. Voilà, je suis très contente d'en rencontrer un. Il gagne sa vie en étant optimiste. Non, mais je vous assure. Et il voyage. Oh, il voyage ! Eh bien, il a bien de la chance. Michel Poulart, notre invité. Merci Manu. L'info revient à 14h. Sur vandenborg.be, vous verrez chaque jour le nombre de prix adaptés. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. À 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous, en ce vendredi 16 septembre, j'espère que vous allez bien et si on déverrouillait en effet notre propre ami intérieur pour se réconcilier avec nous-mêmes et notre histoire personnelle. Drôle de défi, pourtant c'est bien de cela qu'il s'agit. Ce vendredi, vous devez apprendre à être un ami aimant pour vous-même. Tout d'abord, voilà, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que chaque fois que vous avez une émotion, vous devez demander à votre ami intérieur, qu'est-ce qui se passe ? Comment tu la ressens, cette émotion ? Comment ça va ? Ça va, Michel Poulart? Oh, moi, je pète la forme. Oui, c'est toujours un bonheur d'être là avec vous. J'imagine. Je suis très heureuse, en effet, de vous recevoir en tant que spécialiste du leadership positif, optimiste, audacieux, coach, auteur. Et vous ne serez pas tout seul, Michel, à faire cette émission, parce que nous avons, en effet, prévu de parler de la croisière. Et donc, Christine sera des nôtres. Christine Alexandre, bonjour. Bienvenue, Christine. Parce qu'en plus, quand on parle de voyage, vous voyagez pas mal, hein, vous. Mais ça, oui, c'est sûr. C'est une multiple activité, hein. J'adore ça. Et bon, mêlé au développement personnel, c'est juste parfait. Et vous allez repérer donc tous les voyages que nous faisons ensemble à Baie de Somme, bien entendu, le mois prochain. Ah, mais là, c'est complet. 14, 15, 16 octobre, et puis la croisière dans la vallée du Douro, parce que vous en ferez partie. Donc, c'était l'occasion, en effet, en vous faisant venir, Michel, d'allier le plaisir, l'optimisme, les vacances, les voyages, le développement personnel. Bon, cet ami intérieur, donc, c'est différent de l'enfant intérieur, Michel. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est proche, mais il y a quand même des nuances, oui, tout à fait. Oui, donc ouais. C'est quoi c'est quoi la différence, la grosse différence? L'enfant intérieur, c'est vraiment celui qui... Ben, l'ami intérieur, c'est celui à qui on donne toute notre confiance, c'est le bon conseiller, c'est la personne à qui... C'est quoi un ami en général? C'est sa petite voix aussi, c'est votre petite voix qui est bienveillante. Et l'enfant intérieur, allez, je vais le résumer pour vraiment débuter cette émission, on va le développer, c'est un petit peu la folie qui est en nous, qu'on a peut-être bridée. Oui, mais on parlera des deux. Hein. Oui, c'est très bien. Moi, j'aime bien d'avoir deux en moi, l'enfant intérieur et l'ami intérieur. Exactement. Et j'aime bien vous avoir comme ami extérieur. Bon, vous allez témoigner aujourd'hui 070 23 33 23, SMS 30 63 via la page La Vie du Bon Côté, email lavieduboncote@rtbf.be, puis on vous donnera un numéro de téléphone aussi pour les renseignements concernant la croisière dans la vallée du Douro, au Portugal. On la lance déjà, voilà, c'est la rentrée. Bon, on sait que la chaleur, c'est pratiquement un peu terminé, même si on va encore avoir des belles journées, mais on pense déjà peut-être de s'envoler pour un autre voyage. Bon, venez nous rendre une petite visite encore une fois par téléphone, par SMS, 50 centimes de message, par email, via la page Facebook. C'est parti. La vie du bon côté. Running up and down the hill. traduction littérale, je ne peux pas attendre. C'est ça, hein? Oh, j'ai hâte d'y être. Je ne peux pas attendre. Ne pas attendre de quoi? De retrouver cet ami intérieur et de nous demander des renseignements concernant la croisière aussi que nous organisons et laquelle vous participerez. Bon, l'ami intérieur, donc, est-ce que quand on parle d'ami intérieur, le fait de dire je m'aime, c'est déjà une façon de parler à son ami intérieur? C'est déjà un bon départ. Oui, oui, tout à fait. Bon, d'accord. Pouvoir se le dire, pouvoir le reconnaître. Oui, c'est ça, se le dire à haute voix, c'est pas évident. Hein, déjà, plus, hein. Déjà, pour commencer, on peut se poser la question si on le dit à nos propres amis. Oui, je t'aime. Parce que déjà, moi aussi, si. Non, mais c'est important parce que si déjà on a un problème relationnel avec le mot je t'aime, avec l'expression c'est je clair. T'aime, ouais. On pourra peut-être pas l'avoir envers soi-même. Donc, est-ce qu'on en dit assez souvent je t'aime à ceux que l'on aime vraiment avant de commencer à penser qu'on peut se dire à soi-même. Par soi-même. Bon, vous pensiez être tout seul avec Christine et moi-même, mais il y a une dame de plus qui souhaite participer à l'émission. Oui, je suis entourée de blondes. Il n'y a que des blondes autour pas de moi. Mal, c'est blondes, magnifique. Vous savez comment elle s'appelle, elle? Je ne sais pas, mais elle a un regard qui tue. Vous êtes à la radio, mes chers auditeurs, vous ne l'entendez pas, vous ne voyez pas. Mais... Elle s'appelle Julie Arcoulin. Et elle sera avec vous sur le bateau. Oh, mais ça va être magnifique. Hey, parce que vous serez quatre sur le bateau. Très bien. Ouais. Donc moi, plus trois autres femmes. C'est un bon départ. Non, il y aura un homme, Yves Psalti. Alors lui, c'est le monsieur sexe de Vivacité. Ah, mais on est bien parti. Ça promet. J'aurais bien aimé qu'il soit là aujourd'hui, mais ce n'était pas possible, parce qu'il y a des consultations, vous voyez. Oui, oui, il y en a qui bossent. Il y en a qui bossent. Mais il en faut. En même temps. Bien sûr, bien sûr. Vous serez aussi avec Anne Uzel, qui est sophrologue. Alors, elle va, vous voyez, nous relaxer. Mais je voulais faire venir Julie Arcoulin parce qu'elle était libre. Déjà. Merci. Je suis l'autre consolation. Non, parce que je me suis dit que ce serait bien de vous faire connaissance. Mais comme ça, mais en direct en plus. Hein. Ah oui, oui. Là, je vous parce rencontre. Parce que vous n'êtes jamais vu. Bon, allez, une petite pause. Comme ça, vous pourrez quand même vous embrasser. Oh oui. Et puis ensuite, on continue d'entrer dans le vif du sujet. Mitsubishi chez Renversante, condition septembre en. Vous voulez dire en septembre, condition renversante chez Mitsubishi? Ça, c'est. Ok, d'accord. En septembre chez Mitsubishi, condition renversante sur toute la gamme. Ton pays est détruit, tu fuis. Chaque nuit, les images de la guerre te reviennent. C'est un cauchemar. Plus de 400 000 enfants syriens ont trouvé refuge au Liban. Grâce à la traumathérapie, une nouvelle vie peut commencer dès la rentrée. Avec vous et Caritas, ils dessinent leur avenir. Faites un don sur caritasinternational.be. Hier, c'était de nouveau. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais je sais pas quoi choisir. Ouais, tout est super beau, quoi. Oh oui. Et toi, t'as pris quoi? La chemise, le top ou le pull? Sophie, mais t'es où? Ici, je suis déjà à la caisse, hein, j'ai pris les trois. Maintenant, chez CA, 2 plus 1 gratuit sur tous les hauts d'âme. CA. Vivacité présente. Commissaire Trafic, comment ça se passe sur la route? Alors vous perdez 3 jours sur la E421 et des ravitaillements en eau sont prévus pour les automobilistes bloqués sur la E124. Pourquoi perdre son temps dans les bouchons? Optez pour le covoiturage, le train, le bus ou le vélo. Partagez la route, on s'y met tous. Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine de la mobilité. Une initiative de la Wallonie. Semainemob.be. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvoies, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon chevauchant son vélo blanc et pff, c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival du vin. À l'achat de 6 bouteilles identiques, recevez un magnum gratuit du même vin parmi une sélection de 11 vins. Profitez-en jusqu'au 20 septembre inclus. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Et Michel Poulart, spécialiste du leadership. Shift, oui. Oui, mais c'est un shift, c'est-à-dire qu'on passe d'un état à un autre. Oui. C'est un shift. J'aime pas ce mot-là. En plus, je ne comprends pas, donc je ne vais pas le dire. Optimiste, audacieux. Comment vous vous présentez quand vous allez dans des salles de conférences? Vous dites bonjour, je suis Michel Poulart, je suis qui? Non, en général, je laisse faire ça par un paramètre de cérémonie. Et comment vous présente? C'est toujours mieux de se faire présenter par d'autres. Et comment vous présente? Eh bien. allez, on va être sérieux. En tant que conférencier international, donc je fais des conférences autour du monde, et optimiste professionnel, parce que c'est en effet ma profession, j'aide les gens et les entreprises en particulier à développer des attitudes optimistes pour arriver plus facilement, de façon plus agréable, à des objectifs bien définis, et puis à une meilleure vie, à une vie plus agréable. Ouais. Et puis c'est vrai qu'être optimiste, c'est voir la vie du bon côté. Mais voilà, et c'est aussi recadrer aussi certaines choses, parce qu'on ne comprend pas toujours bien l'optimisme. Non plus. Mais encore plus que ça. Et Julia Arcoulin qui est arrivée par surprise, donc. Oui. Quelle belle surprise. Ça fait une demi-heure qu'elle attend dans sa voiture. Hein. Ouais, je lui ai dit, non, tu viens pas avant 13h12 parce que je veux vraiment que tu débarques en émission. Voilà. Elle est spécialiste du développement personnel et relationnel et donc vous serez à deux avec Yves Psalti et Anne Uzel. Vous serez les quatre intervenants de la croisière dans la vallée du Douro au Portugal. Bon, avec vous, on peut parler d'optimisme aussi, d'amis intérieurs aussi, je pense, Julie. Ah oh, hein. Oui. Bon, amis intérieurs, je suis très curieuse parce que c'est vrai que c'est pas une notion que je connais spécialement, mais oui. L'optimisme, oui, ça je connais bien. Marcel, bonjour, bienvenue Marcel. Bonjour Sylvie, bonjour Christine, bonjour Michel. Bonjour Marcel. Et moi alors, et Julie, elle pue c'est non, Julie, ah pardon. Désolé. Et pourtant je le savais, oui, mais je le savais évidemment. Voilà. Bien sûr. Non, alors que j'écoute l'émission, les émissions tous les jours pratiquement. Oui. Oui, normalement, je préviens, je suis logiquement dans le tutoiement, mais il est vrai que de par l'antenne, donc on ne peut pas. Mais tu me dis-tu, je te dis-tu, hein, Marcel. Donc, dans ma tête, je tutoie chacun, mais je vous vois tous les trois. D'accord. En même temps, d'accord. Ok. Alors, bon, primo, d'abord, j'ai créé un terme qui est excellent et dont j'en fais part à toute personne en tant que coacheur amateur. Oui. Et psychothérapeute amateur aussi, en plus. C'est-à-dire que, j'ai créé le terme d'égo-positivisme. Égo de moi, positivisme. C'est-à-dire qu'il faut commencer d'abord de par soi-même pour pouvoir le propager aux autres. Aux autres. On me dit toujours Marcel ou Marsou. Marsou, c'est mon diminutif. Je bitubise. Et il se fait que, donc, on me dit toujours Marcel, mais t'es toujours souriant. Ou Marsou, t'es toujours souriant. Tu nous apportes toujours le soleil. Je dis oui, mais n'oubliez pas une chose. Je dis, on n'oublie pas une chose. C'est qu'il faut d'abord commencer par soi-même pour pouvoir le propager aux autres. Je dis, ose te regarder dans le miroir. Ose te dire, je t'aime. Ose t'embrasser sur le miroir. Pour apprendre à t'aimer d'abord, apprendre à te comprendre. Parce qu'en général, on dit, ah, je t'aime à quelqu'un. Mais non, apprends d'abord à t'aimer pour pouvoir aimer les autres. Oui. Ah, je te connais ou je te comprends. Apprends d'abord à te connaître et à te comprendre pour pouvoir comprendre et connaître les autres. Oui, mais non, c'est vrai qu'on parfois on aime bien d'aller de l'avant. Enfin, je veux dire, ça prend peut-être du temps. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel, quand on met, c'est pas des préambules ou des je sais pas. Oui, Marcel a quelque part raison. Il a quelque part raison. Bien sûr, oui. C'est un petit peu, ça rejoint un petit peu le terme du bonheur. Avant d'essayer d'apporter du bonheur aux autres, apprenons d'abord à être heureux avec nous-mêmes. Et le jour où on sera heureux avec nous-mêmes, on sera capable de le partager avec les autres. Ça, c'est sûr. Et parfois, on se trompe, on fait ça à l'envers, on essaie de rendre les autres heureux, souvent pour des raisons très simples, c'est qu'on a besoin d'être aimé en retour, donc c'est pas spécialement... on dit souvent que c'est inconditionnel, mais souvent quand on réfléchit, c'est pas si inconditionnel que ça, quand on veut être aimé, ça nous empêche par exemple de dire non, ça nous empêche d'être nous-mêmes, on veut tellement être reconnu par les autres, c'est vraiment très très important, et on va peut-être développer ça dans le cours de l'émission. Mais Marcel, Marsou. A complètement raison, soyons d'abord heureux avec ce que nous sommes, avant de pouvoir le donner à d'autres. Ouais. Bah, parfois, c'est vrai que c'est difficile bien aussi sûr. De voir quelqu'un qui est heureux avec lui-même, hein, parce que, comme il dit Marcel, et je l'entends très bien, il est toujours souriant, mais c'est pas pour ça non plus qu'il est tout le temps heureux avec lui-même. Ah, hein. Ça d'accord. veut rien dire. Ah, non, hein. On est d'accord. Voilà. Comment on peut être optimiste et réaliser et avoir conscience des difficultés de la vie, du aussi, quotidien. Aussi, aujourd'hui, voilà, on n'est pas bisounours. Aujourd'hui, mon train est parti en retard, ça m'a fait en prendre un autre. Ce matin, l'hôtel n'avait pas de douche chaude, donc j'ai pris une douche froide. Le wifi ne fonctionnait pas hier, donc c'est pas parce qu'on est optimiste et heureux qu'on est à l'abri des difficultés. Non, mais vous n'arrivez pas non plus en studio en disant « Oh là là, quel début de journée j'ai vécu ». Vous n'en parlez pas. Ah non, mais je suis tellement content de vous voir. Ah non, mais c'est ça, c'est super intérieur. C'est quelque part, vous dites à votre ami intérieur « Chut, on va pas dire ça, Sylvie. Il y a tellement d'autres belles choses à côté, relativisons. On s'en fout, on a pris une douche froide, on s'en fout. Enfin, quand j'étais sur la douche froide, je me suis pas dit ça. On s'en fout pas à ce moment-là. On s'en fout pas, ça c'est sûr. 070 23 33 23, SMS 30 63. coupe, t'en tranche la moindre paire, venge des habillés. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. Michel Poulard, à votre ami intérieur, s'il a toujours préféré aux voisins les voisines, il va certainement dire non. Il va dire les voisines. Oui, c'est ça. Finalement, c'est une façon de... Ça dépend. Si le voisin, il est sympa, il joue aux jeux vidéo, on a des points communs, peut-être, peut-être. Bon, c'est une jolie façon de prendre la vie du bon côté. Hein. Préférer les voisines aux voisins, selon qu'on soit évidemment intéressé par l'un ou l'autre. 070 23 33 23, SMS 30 63. L'ami intérieur. Et si, en effet, on retrouvait cet ami intérieur qui est un peu différent de l'enfant intérieur, même si finalement, on aime bien les deux. On aime bien jouer avec les deux. Et c'est vrai qu'on exprime parfois tellement bien les choses envers un ami extérieur. Comment le faire envers soi-même? C'est ça finalement. Et c'est de ça que vous allez parler du 14 au 21 avril sur le bateau. Alors, oui, tout Michel. À fait. Non seulement en parler, mais on va vraiment faire des exercices pratiques pour aller rencontrer l'ami qui est en nous. Oui. Que l'on a oublié, dont on ne se souvient peut-être pas, ou dont on n'a même pas peut-être pas conscience oui, d'avoir, parce qu'on ne l'a peut-être jamais rencontré. Oui. Donc, lors de cette croisière, là, ça c'est un gros teasing, hein, je vais vous faire des exercices, je dis vous, mais les auditeurs qui nous écoutent et qui ne sont pas encore inscrits, pour aller rencontrer cet ami intérieur et avoir un dialogue, une conversation, un entretien avec cet ami intérieur, jusqu'à même aller lui demander des conseils. Oh, joli, joli. Bon, dans quelques instants, c'est Christine Alexandre qui va nous parler un petit peu du programme et surtout de ce qu'on va voir de visu, la vallée du Douro, le Portugal. Ce sera notre deuxième croisière, deuxième édition de la croisière La Vie du Bon Côté, du 14 au 21 avril. On vous donnera un numéro de téléphone, prenez de quoi noter si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires, un programme complet en quelque sorte. Oh chérie, c'est ouvert! Mais quoi? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain! Gautier? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rhodes-Saint-Genèse, à côté de Dovi. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo, vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Viva Bruxelles est là de présente Bruxelles Champêtre. Participez à la plus grande fête urbaine et citoyenne le dimanche 18 septembre. Dans le Parc Royal, rencontrez plus de 100 producteurs locaux et petits brasseurs. Laissez-vous tenter par des animations des plus insolites. Vous n'aurez pas assez d'une journée pour tout découvrir. Info sur bruxelleschampêtre.be avec le soutien de la région de Bruxelles Capitale. J'ai peur de la récré. Je comprends pas ce qui se passe avec mes parents. Y'a personne qui m'aime. Je peux jamais rien faire. J'arrive pas à rester tranquille. Un enfant difficile a toujours quelque chose à nous dire. Explorez le webdoc sur iapaca.be. Avec le soutien de la région Wallonne et de la COCOF. Ce message s'adresse à vous, qui gardez de l'argent pour les enfants ou pour cette ville-là dont vous rêvez tant. Oui, vous, qui voulez vous lancer dans les placements. Vu que l'épargne, ce n'est plus comme avant. Pour vous, CBC a formé des conseillers qui vous proposent les solutions adaptées à vos ambitions et vous parlent sans langue de bois, dans les bons comme dans les moins bons moments. Investir ? Parlons-en. Rendez-vous sur cbc.be/décidez-d'investir. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Le nouveau Mercedes GLC Coupé. Un SUV puissant aux allures de coupé. Pour franchir les montagnes les plus élevées. Ou les cases vitesses dans votre rue. Pour traverser des paysages enneigés. Ou les flaques devant votre garage. Pour explorer les territoires les plus vastes. Ou le parking du supermarché. Le nouveau GLC Coupé. Pour tous les tours et détours. Découvrez-le lors des journées portes ouvertes du 22 au 25 septembre chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. La vie du bon côté sur Vivacité. Ah, la machine s'emballe. Alors, nous parlons de cet ami intérieur qui vous est donné, qu'il vous est possible de rencontrer, de réveiller, de voir, de prendre conscience qu'il existe pour la première fois, bien entendu, en allant chercher au fond de vous. Il ne faut pas parfois aller chercher très très loin, hein. Ça peut prendre quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours, et c'est pour ça peut-être qu'on vous propose cette croisière. En effet, la deuxième édition de la croisière La Vie du Bon Côté, ce sera au Portugal, dans la vallée du Douro. Vous connaissez la vallée du Douro, Michel, vous ? Pas du tout, je vais découvrir. Ah. C'est pour ça que j'ai accepté. Mais moi non plus, je ne la connais pas, cette vallée-là. Pas seulement pour ça. Non, ouais. mais c'est une boutade. Oui, oui, mais moi aussi j'ai accepté, finalement, quand vous m'avez proposé. Vous acceptez tous, mais vous serez tous, vous savez pas ce que vous allez découvrir. Mais non, vallée du Douro, pareil qu'elle est magnifique, Christine. Elle est magnifique. J'ai vu des photos. C'est vrai, c'est très contrasté. En fait, on rentre dans une nature et ce bateau qui passe d'écluse en écluse et qui va aller dans les vignes. Des parcours de vignes comme ça, et puis un jour on part de Porto, on découvre une ville, et puis après on va jusqu'en Espagne, vous rendez compte, on va à la frontière espagnole, où on va découvrir une ville magnifique qui s'appelle Salamanque. C'est vraiment un trésor, c'est vraiment magnifique. Et alors bon, sur ce bateau, il y a quand même des choses qui se passent, hein, parce qu'on a quand même sélectionné 4 invités, mais de qualité, qui vont être avec un petit fil rouge, là, optimisme, bonne humeur, bon côté. Et cette fois-ci, je vais quand même préciser que notre Sylvie, elle va faire quoi ? Elle va animer les conférences. Elle va chanter. Elle va danser aussi. Rabbi Jacob, ça, je peux vous dire, le soir, elle danse tous les soirs. Elle fait la fête tous les jours. Mais il ne faut pas trop le dire à mes patrons, hein, parce que pense que je travaille. Oui. Mais on peut s'amuser en étant. Non, mais tu bois beaucoup d'eau. Parce qu'il y a une formule all-inclusive sur le bateau. En effet, on boit tant qu'on veut et c'est gratuit. Ah oui, c'est ça, c'est all-inclusive. C'est all-inclusive cette fois-ci. Bon, c'est plus facile pour les comptes. Ah oui, non, c'est comme facile. Ça, on peut vraiment en profiter. Et puis, bon, il y a des visites. Les visites sont libres. Il y a de l'animation. Tous les soirs, il y a une soirée animée. Et il y a, pour le plus sérieux, des conférences interactives. Et des ateliers. Et des ateliers. 4 ateliers et 4 conférences. Donc voilà. Et le bateau est tout à fait, on peut dire, luxueux. C'est vrai. Il est luxueux. On a une très belle cabine. On n'est pas dans la cale, je peux vous le dire. On a tous une vue sur l'extérieur. Mais par contre, les cabines sur le pont principal, on est en train de manquer. Donc, dépêchez-vous. Ah oui, c'est ça. On a déjà eu pas mal de réservations. Donc, si vous voulez avoir, c'est vrai qu'il faut bouger. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a le pont principal, il y a le pont inférieur, le pont supérieur, il y a trois ponts, et celui du milieu, ben, c'est celui qui est, ou celui du bas, je pense, qui est le plus convoité. Donc, j'imagine pourquoi. Voilà, mais voilà, oui, on sait pourquoi. Ouais, on sait pourquoi. Ouais, c'est plus accessible. Donc voilà, et le climat est vraiment, à ce moment-là, ben, c'est doux, c'est le printemps, c'est le renouveau, et je vous assure que c'est vraiment un endroit magique, magique, et on s'est porté. Ah, mais moi, j'ai entendu vraiment parler de cette vallée du Douro. Allez, je donne un numéro de téléphone pour que les personnes puissent prendre leurs renseignements et avoir leur programme complet qu'on peut vous envoyer, bien sûr, via la poste. Oui, ça se fait encore d'envoyer des programmes papier. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent l'avoir et je peux comprendre. Ou alors on vous l'envoie par mail, bien sûr. Le numéro de téléphone, c'est le 0475 75 70 77. C'est le numéro de Wow Travel qui organise donc cette croisière pour nous. Le 0475 75 70 77. Ça se passe du 14 au 21 avril. Alors il y a des personnes qui vont dire, oh là, on n'est pas encore là. Et oui, mais c'est vrai que ça peut se remplir très vite. Là, ça va, on commence. Mais je pense qu'il faut, il faut quand même pas tarder. Voilà. Et si c'est vraiment un projet que vous avez envie de faire avec nous, on n'en fait qu'une par an. Donc, il ne faut pas la rater non plus. Hein, moi, j'ai hâte de rencontrer les auditeurs. J'ai vraiment hâte de les voir. Oui, ben voilà. Donc, Michel Poulard sera là. Julia Coulin, elle sera là. Yves Psalti. J'insiste sur lui parce que à chaque fois que je parle de mon émission, on me dit « Ah, et le sexologue là ? Il a quelle nationalité ? Parce qu'il parle tellement bizarre. » Vous voyez, on dit toujours ça. Il a toutes les nationalités en fait, Yves Psalti. Et il y aura Anne Uzel aussi qui sera sophrologue. Et donc, je peux vous assurer qu'avec eux quatre, waouh, vous allez être regonflé à bloc. Ah oui, et moi. Et vous. Vous n'allez pas faire une croisière La Vie du Bon Côté sans moi. Ah ben, exactement. Hein, il y a deux sûr. Personnes qui seront indispensables, c'est le capitaine et moi. Exactement. Voilà. De toute façon, 0475 75 70 77. Dayway Car Center, votre concessionnaire Kia du nord de Bruxelles, à Meize et à Vilvoorde, vous invite à découvrir la nouvelle Kia Niro, le nouveau crossover hybride. Conditions exceptionnelles sur toute la gamme pendant les Kia Surprise Days jusqu'au 24 septembre à Meize et à Vilvoorde. Plus d'infos sur dwcc.be. Dayway Car Center. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Vivacité La 3 et BNP Paribas Fortis présentent la 31e édition du Festival international du film francophone de Namur. Fiction, documentaire et animation, plus de 140 films du 30 septembre au 6 octobre. Faites le plein d'émotions au FIF. Plus d'infos sur fif.be. Avec la ville et la province de Namur, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie. Fanny ? Oui, monsieur ? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim ? À quel sujet ? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial ? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier ? Justement. Appelez Convert, ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. Seconde vie à vos vieilles chaussures. Apportez-les jusqu'au 18 septembre chez Brentano. Vous recevrez pour chaque paire un bon de réduction de 12,50€ et vous soutiendrez une bonne cause. Brentano. Info et magasin ouvert ce dimanche, brentano.be. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Ce samedi et ce lundi chez Brico, tout est à moins 15% avec la carte de fidélité Mon Brico. Moins 15% avec la carte Mon Brico. Demandez-la en magasin, elle est gratuite. Pour les makers, Brico. Chérie, combien de temps avant 22h ? 6 secondes, concentration maximale. Hein. Pas trop tôt, pas trop tôt. 4, 3, allez Patrick, 2, à fond, hein. 1 et go ! N'oublie pas de passer en dessous du canapé, hein. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be, notre énergie, une source de plaisir. To million miles, will I talk to you soon? I'll tell you it's alright, like in the good old times when we kissed under the moon. But for now, on and on, I'm keeping on looking for a all the lights of my hometown. Lights of my hometown. I couldn't say goodbye, just left the mess behind. A wish for safer days. I packed up my whole life and now I'm out of sight. Somewhere far away, and for now, on and on, I'm keeping. Looking for a new land. Since I've been gone, well, I chased down all the lights of my hometown. The lights of my hometown. I can hear. Sur Vivacité, on reparle de l'ami intérieur. C'est quand même pour ça que vous êtes là aussi, Michel Poulart, en tant qu'optimiste audacieux, en tant que coach. C'est vrai que c'est quelque chose qui vous motive, bien entendu, d'aller montrer à la foule que vous avez, au public que vous avez devant vous, qu'il est possible, en effet, de s'approprier cet ami intérieur. D'abord, parce que c'est à nous. Hein, oui. Et c'est pas à l'autre, oui. C'est mon ami intérieur à moi, oui. Et il y a peut-être moyen en effet de qu'il en devienne mon meilleur ami. C'est le but que moi je vais aller chercher dans mes ateliers lors de la croisière, oui. C'est non seulement d'aller le chercher, mais c'est que ça devienne vraiment votre meilleur ami, votre confident, la personne à qui vous pouvez tout dire, mais également écouter, parce que souvent notre meilleur ami intérieur sait des choses mais on ne l'écoute pas. Et on préfère écouter les amis extérieurs, les avis extérieurs qui ne sont pas spécialement qualifiés pour nous donner les bons avis à ce moment-là. Mais inconsciemment, nous savons souvent où est la vérité. Et comme on ne veut pas l'écouter, alors justement, c'est avec cet ami-là qu'on va se réconcilier. Ou en tout cas, qu'on va aller chercher. Mmh. Est-ce que les autres intervenants, ils ont le droit d'aller aux ateliers des autres intervenants ? Ça dépend. Moi, j'ai envie d'aller aux ateliers de Michel. Et est-ce que j'ai le droit, Michel ? Oh, mais je t'accueille à bras ouverts. Ah, merci. Voilà. Bon, et lui va vous poser la même question. Qu'est-ce que vous allez donner comme atelier ? Parce que lui, il aura aussi envie de venir. Ah oui. Vous, c'est plus dans le relationnel. Hein. Oui, alors on ne va pas tout dire d'un coup. Hein. On va laisser un petit peu de suspense. Mais c'est vrai qu'une de mes spécialités, ce sont les relations et comment les développer, comment être bien dans ces relations. Mmh. Et ben voilà, moi je vais vous proposer d'aller vers finalement l'énergie relationnelle qu'on dégage, voir de quoi elle est composée, ce qu'on peut travailler, ce qui appartient au passé, ce qui appartient au futur, ce qu'on peut travailler pour changer cette énergie relationnelle, changer ce qu'on dégage finalement, que ce soit dans la sphère du couple, que ce soit les collègues, les amis, enfin la vie en général, hein, c'est pas des ateliers rencontres, hein, enfin ça peut, mais voilà, hein. Donc c'est vraiment l'énergie relationnelle qu'on dégage dans tous les domaines de vie, qui on est, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qui fait qu'on a cette énergie-là, qu'on dégage cette énergie-là, qu'est-ce qu'on doit travailler pour en dégager de plus en plus et de mieux en mieux. Voilà, moi c'est ça que je vais vous proposer. Oui, quand elle dit on ne sera pas dans des ateliers rencontres, elle fait quand même des ateliers séduction. Hein. Oui, moi je dis ça, je dis rien. Mais ça débride, c'est très bien. Non, mais c'est vrai. C'est, qui sait, il peut se passer de très belles choses à bord du bateau. Ah, ouais, ça ne nous regarde pas. Elle en fait. Oui. Et vous serez d'ailleurs le 30 septembre à Mons, oui. Et le 6 octobre à Liège. Tout à fait. Pour nos fameuses journées, hein, d'ateliers, voilà, et vous donnerez là un atelier sur la séduction. Exactement. Comment à travers affirmer ces différences, ouais. Affirmer son capital séduction, voilà. Et l'utiliser avec Nathalie, mon amie et collègue.

chercher, tête baissée, les yeux fermés, sur ma peau gravée à tout jamais. Toutes ces heures à te chercher, tête baissée, les yeux fermés, sur ma peau gravée à tout jamais. Plus le temps passe, plus je sens en moi ces choses-là qu'on ne se dit pas. Plus j'avance et plus je sens en moi ce qu'est d'être loin de chez soi. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas, si loin de moi, t'es toujours là. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, loin de toi, t'es toujours là. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas, si loin de moi, t'es toujours là. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, loin de toi, t'es toujours là. One in a nana, wa-oh-oh-oh, one in a nana, one in a nana, wa-oh-oh-oh, one in a nana, one in a nana, wa-oh-oh-oh. Frérot de la Vega, avec mon petit pays, nous recevons aujourd'hui Michel Poulart, optimiste audacieux, et Julie Arcoulin, les spécialistes en développement personnel et relationnel. Et nous parlons de cette croisière notamment, puisqu'ils seront deux des quatre invités pour présenter des ateliers, pour présenter des conférences. Sur le bateau, ça va se passer comme ça. Nous serons dans la vallée du Douro au Portugal du 14 au 21 avril après avoir vécu un grand succès en Croatie il y a quelques mois. Ce sera donc la deuxième édition de cette croisière. Bon, l'ami intérieur. Quand vous commencez en effet à présenter ce sujet en conférence, Michel Poulart, est-ce que les gens... Ça résonne. Oui, non, mais j'allais dire, oui, c'est pas ça que je cherche. Non, non. J'ai essayé. Fatigué, on cherche le mot. Non, est-ce que ça interpelle dans le sens, mais c'est quoi un ami? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés avec le relationnel, comme l'a dit Julie, vous voyez, qui ont des difficultés à exprimer des choses envers l'ami qui est juste à côté. Donc c'est ça le plus difficile. C'est essentiel parce que moi j'interviens principalement en entreprise et forcément le relationnel en entreprise est quelque chose d'extrêmement important. Oui. On a affaire parfois à des managers, des leaders, des chefs d'entreprise qui ont énormément de difficultés à exprimer ce qu'ils ressentent ou même leur vision au sein de leurs équipes et ressemblent plus à des petits chefs plutôt qu'à des leaders. Mmh. Donc je parle déjà de la différence entre être un chef et être un leader. Brièvement, un leader, c'est quelqu'un qui donne envie d'être suivi parce qu'il a une attitude qui donne envie d'être suivi. Il y a un charisme, c'est quelqu'un qui sait partager des choses. Et donc, il y a parfois un problème relationnel. Et en entreprise, j'adore choquer. Et d'ailleurs, je le ferai également en croisière. Je vais vous choquer, vous et les auditeurs qui seront présents. Et je vais chercher souvent l'enfant qui est au sein de leurs équipes. Pas plus tard qu'hier, j'étais en conférence pour un grand groupe français à Paris et je leur ai demandé d'aller chercher l'enfant qui était en eux parce que j'avais sur scène un objet sous un drap et je leur ai demandé qui c'est qui voulait le voir et il y avait sur une centaine de personnes que quelques mains qui se sont levées et ensuite je me suis arrêté, je leur ai dit écoutez, je ne l'ouvre pas tant qu'on va pas chercher l'enfant qui est en vous. Ah, c'est pas mal ça. Et donc forcément, si on va chercher l'enfant qui est en eux, eh bien, ils avaient du coup très envie de savoir ce qu'il y avait sous ce drap. On le saura dans quelques instants, d'accord? Ah oui. Après 14h, je veux savoir aussi ce qu'il y avait sous le drap, parce que le flash nous arrive. Continuez à nous appeler pour parler de cet enfant intérieur. 3063 pour vos SMS. La 2, en télé. Armé de bonne volonté, le service jeunesse de Scarbec enquête sur les familles en difficulté pour protéger les enfants. On laisse pas un enfant de 4 ans tout seul. C'est des faits graves, madame. Tout ça ne nous rendra pas le Congo. Vendredi soir, sur la 2. La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale vous offrent une entrée gratuite pour le plus beau parc miniature d'Europe à Bruxelles. Ce samedi 17 septembre, recevez une entrée adulte d'une valeur de 15 euros à l'achat de votre journal. Une excursion magnifique pour toute la famille. Une place gratuite dans chaque journal, c'est ce samedi 17 septembre. Encore une exclusivité. Ce message s'adresse à vous qui venez de rembourser votre maison ou dont les enfants sont grands et indépendants. Oui, vous, qui vous demandez comment faire fructifier cet argent. vu que l'épargne, ce n'est plus comme avant. Chez CBC, nos conseillers sont vraiment à votre écoute. Ils prennent le temps de vous expliquer les choses simplement, quoi qu'il arrive. Investir ? Parlons-en. Passez nous voir ou rendez-vous sur cbc.be/décider d'investir. CBC Banque et Assurance. Décidez d'avancer. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du Beauvélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens. Cheveux bruns, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît ? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson, ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus. Hyundai, new thinking, new possibilities. Très belle après-midi à l'écoute de Viva, il est 14h. Et c'est Justine Hermans aux commandes de ce flash. Bonjour à tous. Trois perquisitions ont eu lieu hier à Liège et à Bruxelles, à Schaerbeek et à Rennes, dans le cadre d'un dossier fédéral pour participation aux activités d'un groupe terroriste. C'est une information RTBF. À la suite de ces perquisitions, trois interpellations. Deux individus ont été privés de liberté. Ils vont être entendus par les enquêteurs. L'une des personnes interpellées est un homme âgé de 28 ans. Il aurait été actif au sein d'un groupe Telegram, une application de messagerie cryptée où il aurait indiqué se préparer à commettre un attentat. Hier, le député libéral flamand Luc Van Biesen avait tenu des propos racistes à l'égard de la députée socialiste flamande d'origine marocaine Meriam Kittir. Aujourd'hui, Luc Van Biesen a publiquement présenté ses excuses. Les deux députés se sont présentés ensemble dans le hall du Parlement. Le député libéral a répété que le racisme n'avait pas sa place. Meriam Kittir en a publiquement pris bonne note et a indiqué qu'ils œuvreront ensemble à lutter contre toute forme de racisme. Violente explosion dans un immeuble du centre de Dijon en France. Un bilan fait état de 18 blessés, dont 2 entre la vie et la mort. L'explosion s'est produite dans un immeuble ancien d'une vingtaine d'appartements. Les secours explorent toujours les décombres de cet immeuble pour s'assurer qu'il n'y avait plus de victimes. Cette explosion est probablement liée au gaz. Il s'agit soit d'un accident, soit d'un acte suicidaire. Au Pakistan, un kamikaze s'est fait exploser devant une mosquée. 16 personnes au moins ont perdu la vie. Le kamikaze a frappé en pleine prière hebdomadaire. Il y a aussi 35 blessés. L'attentat n'a pas été immédiatement revendiqué, mais les talibans pakistanais prennent régulièrement pour cible des lieux peu protégés, comme les tribunaux, les écoles ou encore les lieux de culte. Belgique-Brésil, c'est l'affiche ce week-end de la Coupe Davis en tennis. Elle se joue à Ostende. Le premier match va bientôt commencer entre David Goffin et Thiago Monteiro. Christine Anquet, vous êtes sur place, bonjour. Bonjour, oui, effectivement, la salle qui accueille d'habitude les basketteurs d'Ostende accueille la Coupe Davis ce week-end. Elle est loin d'être pleine pour le moment. Les gens vont encore arriver, en tout cas on l'espère, parce que ce match, il est très important. Il y a un an, la Belgique jouait pour se qualifier pour la finale de la Coupe Davis qu'elle avait fait. Et cette fois-ci, la Belgique joue pour rester dans le groupe mondial, donc pour rester parmi les 16 meilleures nations du monde. Ce qu'elle fera, on l'espère, en tout cas sur le papier, elle est favorite. Pour lancer et bien lancer notre pays, on peut compter, espérons, le sur David Goffin. C'est lui qui ouvre le bal dans quelques minutes. C'est le tirage au sort qu'il a décidé et c'est assez bien comme résultat de tirage au sort. Le fait que le numéro 1 belge commence. Il rencontre le numéro 2 brésilien Thiago Monteiro. Goffin, il est favori sur le papier parce qu'il fait partie des joueurs du top, qu'il ne déçoit pas en Coupe Davis et son adversaire en plus n'a absolument aucune expérience de cette épreuve. Merci Christine Anquet, on vous retrouvera tout à l'heure à 15h. Et dans la foulée, à la suite de ce match entre Goffin et Thiago Monteiro, un second simple qui opposera Steve Darcy au numéro 1 brésilien, cette fois Thomas Bellucci. Un autre match de tennis au programme cet après-midi, un peu plus tard, ce sera celui de Joachim Gérard aux Jeux Paralympiques de Rio. Tennis en fauteuil roulant cette fois, il va tenter de décrocher le bronze lors de la petite finale face au Français Stéphane Houdet. Enfin, Charleroi ouvre le bal ce soir pour la 7e journée de championnat de football, les Carolos recevront Malines. RTBF Mobile Info, avec vous Antoine Binamé, il y a des ralentissements à Cherat. Oui, à l'approche du chantier, c'est sur le 40 venant de Bruxelles en direction de l'Allemagne. Comptez 45 minutes supplémentaires entre Cherat et la zone de travaux d'Herstal, entre recours à la zone de travaux d'Herstal plutôt, c'est en direction évidemment de l'Allemagne. Notons par ailleurs quelques minutes supplémentaires sur certains tronçons du ring de Bruxelles, entre Boulou et Saint-Etienne et Zaventem, entre Strombeek et Jette vers Grand Bigard, c'est pour la circulation extérieure. Et puis en circulation intérieure, quelques minutes également supplémentaires de Grand Bigard à Zelic, de Maculon à Woluwe et Saint-Etienne, ainsi que de Wezenbeek à Tervuren. Et puis encore cette mesure trafic prise du côté de Charleroi en raison de la manifestation qui est en cours. Ça concerne la 54 puisque la bretelle de sortie est fermée vers Charleroi. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. La vie du bon côté sur Vivacité avec Sylvie Honoré. On va tenter de retrouver son ami intérieur. Absolument. Pendant une heure encore. Merci pour ce flash. Le prochain revient à 15h. Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verres basiques inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. C'est déjà la dernière étape du beau vélo de Ravel ce dimanche. Et comme chaque année, lors de la journée sans voiture, Adrien et son équipe s'installent au pied de l'Atomium. Et je serai présente, bien sûr, pour toutes les informations concernant l'accès, la balade, les showcases. Je vous invite à écouter Adrien tout de suite et Francis Hubin, que j'accueille dans mon émission ce vendredi. Bonjour messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Dernière étape du beau vélo de Ravel. C'est la dernière fois aussi que je vous retrouve à cette heure-ci. Depuis le village du beau vélo de Ravel, avec Francis Hubin. Francis, bon, on le sait, hein, le point d'orgue de la saison, c'est toujours traditionnellement le dimanche sans voiture. Alors, on ne change pas une formule qui gagne, on se retrouve déjà au pied de l'Atomium, dès 9h30 pour l'accueil et inscription, toujours libre et gratuite. Et pour l'accessibilité du site, ben, n'hésitez pas, venez par le ring et vous sortez au SL et c'est très très très proche, même si nous sommes le jour du dimanche sans voiture implanté ici au pied de l'Atomium. Oui, ce sera un circuit inédit. Oui, un circuit inédit d'une vingtaine de kilomètres avec une halte ravitaillement prévue dans le cœur de Bruxelles, l'halte ravitaillement du côté de la gare du Midi sur le boulevard du Midi. Oui, très bien, très bien. Nous aurons à l'arrivée, comme d'habitude, le concert des Magic System. C'est dingue parce que ça rassure, on voit que les choses parfois ne changent pas trop. C'est ce rendez-vous annuel avec les musiciens ivoiriens de Magic System, chaque fois au pied de l'Atomium, le dimanche en voiture. On a l'impression que le temps s'arrête, ça c'est bien. Mais on aura quand même quelques petites nouveautés sur scène avec Willy William. Connaissez-vous sa chanson Ego? C'est le tube de l'été sur Viva. Et puis les Retardataires, c'est du rap belge, c'est excellent. Donc moi je suis ravi de vous les présenter dimanche. Hein. Attention, c'est pas demain. Et pour les Retardataires qui ne participent pas à la balade à vélo, ils peuvent venir à 16h pour les concerts. Hein. Donc c'est gratuit et c'est libre. Merci monsieur le directeur. De rien, avec plaisir. Demain pour Grandeur Nature et à dimanche pour ce beau vélo de Ravel. Voilà, et si vous voulez être des nôtres ce dimanche, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet vivacité.be pour plus de renseignements ou sur la page Facebook du beau vélo de Ravel, bien sûr. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Avec Michel Poulard, spécialiste du leadership positif, optimiste, audacieux, vous êtes coach, auteur aussi. Et vous, Julie, spécialiste aussi du développement personnel et relationnel. Vous serez tous les deux sur le bateau dans la vallée du Douro. On parlait du beau vélo de Ravel il y a quelques instants. Et je me disais que ça fait tellement longtemps, en effet, que je le fais. Ça fait 18 ans maintenant que je fais partie de l'équipe d'Adrien. C'est vrai que c'est une façon aussi d'avoir des petits coups de folie, comme ça, avec l'équipe, avec les gens qu'on rencontre. Et c'est un petit peu ça, finalement, aller chercher au plus profond de soi ce qui nous amuse encore, vous voyez, c'est ce qui nous fait rire, voilà, c'est faire partie d'une équipe joyeuse et c'est ça finalement, être en accord avec son ami intérieur, son enfant intérieur, Michel. Et pas que, il y a aussi l'émerveillement. Ah oui. Un enfant, ça s'émerveille pour tout. C'est sûr. C'est pas juste une question d'être joyeux, d'être fou, tout ça, ça joue. Non, ça, comme c'était la première fois. Mais en fait, l'émerveillement, et dans mon métier, s'il y a bien une règle que j'applique, c'est de rester émerveillé. Le jour où je ne serai plus émerveillé, je sais pour moi... Vous fermerez boutique. Non, c'est pas que je fermerai boutique, mais ce sera pour moi un signal que je perds peut-être un peu les pieds et les pédales. Oui. dans mes voyages, en général, mes clients m'offrent les plus beaux hôtels, parfois même les palaces. Et je rentre à chaque fois dans ces hôtels comme si c'était une première fois. Mmh. Et là, ça me donne vraiment l'envie de dire « Waouh !» Et s'il ne se passe pas un jour sans que vous vous dites « Waouh !» Eh bien, peut-être qu'il faut en effet apprendre à s'émerveiller à nouveau. Ouais, je ris parce que Wow Travel, c'est la, exactement, c'est, la... c'est, ah, c'est un message subliminal. Et vous savez, je vais vous faire une confidence. Quand j'ai créé ce concept, ce Wow, je me suis dit, il faut quelque chose qui fasse Wow dans la vie des gens. Et je me suis dit, mais voilà, c'est ça, c'est Wow, quoi. Il a dit quelque chose d'intéressant maintenant, ouais, d'important. Il a dit, quand on m'invite, on m'offre toujours les plus beaux palaces. Et lui? Et sa cabine à lui? Oh bah, il va avoir un palace aussi, hein. Mieux qu'un palace, parce mais que ça navigue. Je vais ça être bouge avec vous, ce sera mieux qu'un palace. Bon, la croisière dans la vallée du Douro, continuez à prendre vos renseignements, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut déjà peut-être réserver dès maintenant dans votre agenda. Ce sera du 14 au 21 avril, 0475 75 70 77. On peut vous envoyer le programme par la poste, bien sûr, par email, via tout ce que vous souhaitez. 0475 75 70 77. J'ai vu un message arrivant de quelqu'un, Michel, qui vous remet le bonjour, tout simplement en disant waouh. Je pense que la personne commence par waouh. Quelle chance de l'avoir. Faites de rencontrer Michel, votre invité depuis 13h. Faites-lui un énorme bisou de ma part. J'écouterai, bien entendu. Alors, je vous dis qui c'est si vous me dites ce qu'il y avait en dessous du drap blanc sur la scène. Sylvie, est-ce qu'un magicien révèle ces trucs? Ok, mais vous ne saurez pas. En fait, c'est dommage parce qu'elle m'a envoyé une photo. Si le drap, je vous explique ce qu'il y a en dessous, j'enlève l'effet de surprise de mes conférences. Ah, c'est chaque fois la même chose qu'il y a en dessous. Ensuite, peut-être que si vous allez sur YouTube, vous pourrez peut-être avoir une idée de ce que je fais. Comment parce que sur il ma vend chaîne, sa vidéo. Mes vidéos. Parce que oui, je fais des vidéos autour du monde et j'emmène les gens avec moi dans mes voyages parce que rêver, je parlais d'émerveillement, rêver, ça fait partie également du bonheur. Et je partage ce bonheur à tous ceux qui veulent regarder ces vidéos. Et vous savez comment on le reconnaît sur ces vidéos? Non. Il a une chaussure à la main, comme si c'était un téléphone. Non, mais non, c'est vrai. Ça, c'est sur Instagram. Parce qu'à chaque fois que je le vois, il a une chaussure comme si c'était un téléphone. Et voilà, c'est un peu une marque de fabrique. Il faut être fou de temps en temps, oui. Mais oui, mais continuez à être fou. Merci. Ça fait du bien. Donc, c'est vraiment ça qu'on vous demande aujourd'hui, chers auditeurs. Cet ami intérieur, cet enfant intérieur, venez peut-être nous dire qu'est-ce que vous osiez faire quand vous étiez petit, hein, quand vous étiez enfant. Oui. C'est ça. Et qu'est-ce que vous avez encore envie de faire aujourd'hui en disant ben oui, finalement, c'est vrai que j'aimais bien danser sous la pluie quand j'étais petit. Et pourquoi je le ferai plus maintenant? Il y a une question que je pose régulièrement, c'est à quand remonte votre dernière la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? En d'autres termes, quand c'est que vous avez fait quelque chose de nouveau pour la dernière fois? Et si ça remonte vraiment à très très très très très longtemps, c'est que vous êtes probablement dans le piège de la routine. Alors la route, je suis pas en train de cracher sur la routine, hein, la routine, ça a du bon. Mais il y a des gens qui ne vivent que par routine et qui se font dicter le quotidien par les routines. Et il faut savoir qu'il ne se passe jamais rien de magique dans la routine. Ça, c'est Michel Poulard. Ça fait du bien, hein, Julie. Vous avez tout à dit. Fait. Cela dit, nous, au niveau routine, ça va. Hein. On est à l'abri. Hein, nous, ça va. Oui, non. J'aimerais bien un petit peu de routine, tiens. Mais je ne sais toujours pas qui c'est qui m'a écrit le message. Ah non? Ah ben, on ne sait toujours pas ce qu'il y a. Je l'ai passé. Trop tard. Je l'ai passé. Comment elle est? Voilà comment les femmes traitent les hommes à l'antenne, messieurs, dames. Bon, pour la croisière, c'est 0475 75 70 77, et par SMS 30 63 si vraiment vous voulez venir nous parler de ce que vous avez fait la dernière fois pour la première fois. La dernière. Quand est-ce la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Voilà. Where do I belong? Still, I can feel you. avec Mystery Light. Frédéric nous écrit sur la page Facebook. Dans mon activité professionnelle d'infirmière, Sylvie, je côtoie souvent l'incertitude, la peur face à un soin ou un diagnostic. J'accueille, j'entends, j'explique, j'utilise dans la simplicité et authenticité mon ami intérieur. Face à celui ou celle que j'ai en face de moi, il me permet de le ou la comprendre et il me permet de le ou la soigner comme je désirerais l'être si j'étais à sa place, donc le mieux possible, et en général à la satisfaction des deux parties. Bien ça. J'ai rien à redire. Dans son activité professionnelle. Voilà, oui. Franchement, un chouette message de Frédéric. Marie écrit aussi, ça permet de comprendre, Sylvie, beaucoup de choses. En vous écoutant, on devrait toujours écouter son ami intérieur, ça nous éviterait beaucoup d'erreurs. Quand il a de l'intuition, oui, mais, oui, parce que parfois notre ami intérieur peut aussi nous tromper, mais ça, oui. On pourrait en parler. Oh, mais ça c'est compliqué, ça devient compliqué. Hein. Ça devient compliqué. Si la vie était simple, sujet. Ça non, saurait. Non, la vie n'est pas compliquée, la vie est un défi permanent. C'est vrai, et chaque jour est une vie. Ça, je me le répète souvent. Oh, c'est joli, ça. Oh, ça, j'aime c'est... bien, oui. Demandez-moi ce que j'ai fait la veille, ça fait tellement longtemps. Ou c'était oui, dans comprends. L'autre vie, vous je comprenez comprends totalement, c'est oui. C'est ça, en fait. 070 23 33 23, SMS 30 63. Si vous souhaitez prendre la parole par rapport à cet ami intérieur, qu'est-ce que vous osiez faire quand vous étiez petit, que vous n'avez plus osé faire maintenant que vous êtes grand? Voilà. Parce qu'être grand, c'est pas toujours être triste, hein, non plus. Ah non. Ah, sûrement pas. Ah non, non. Mais il y a des enfants qui ne veulent pas grandir pour ça. On appelle ça le syndrome de Peter Pan. Oui, c'est vrai. Mais là, on est dans un syndrome. Mais il y a des enfants mais qui souhaitent rester enfants et on peut les comprendre, quoi. Oui. On peut les comprendre quand ça ne dépasse pas l'entendement. Oui, voilà. Hein, je veux dire, voyez, voilà, il faut être très rester. Prudent par rapport à ça. Tout parce à fait, qu'à un moment donné, il faut aussi accepter l'adulte que nous sommes. Oui. Et il faut savoir doser et utiliser un curseur. Quand c'est que je suis enfant, quand c'est que je suis sorti de l'ami et quand c'est que je suis l'adulte. Ça, c'est bien, avec le curseur. L'autorité. Mmh. C'est un curseur qu'il faut ajuster. En permanence, j'ai envie de dire. Ça, c'est bien. 3063, si vous souhaitez papoter de ça avec nous aujourd'hui. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Garage Merckx, 5 marques, une concession, dotée d'un service après-vente top niveau et des conditions exceptionnelles sur tous les véhicules de stock. Garage Merckx, le service, le choix et les conditions. Comparez, vous serez étonné. Les conditions sur les Fiat, Abarth, Alpha, Lancia et Jeep, c'est chez Garage Merckx à Overijse, chaussée de Bruxelles 341. Ce sont les jours extraordinaires en septembre. Découvrez la nouvelle Alpha Giulia, la nouvelle famille Fiat Tipo, les nouveautés Abarth et la nouvelle Spider. Conditions spéciales au Garage Merckx à Overijse. On n'est pas des pigeons, vous non plus. Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. Win4Life, c'est 2000 euros par mois à vie. De quoi aller si souvent au restaurant que tu en oublierais parfois que tu es juste chez tes beaux-parents. Voilà, voilà les enfants, c'est mon ragoût, vous m'en direz des nouvelles. Oh, du ragoût, je vais peut-être jeter un œil sur le menu, moi. Vous avez des suggestions? Puis, entre-temps, vous pourriez peut-être nous apporter quelque chose à boire, hein? Non, mais dis donc, ça va pas, toi? Pfff, eh ben elle craint la serveuse, hein, elle peut oublier son pourboire. Joue à Win4Life dans ton point de vente, online ou sur mobile. Win4Life, du fun for life. Sprite, du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir du fivre. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Coucou, c'est moi, Hip. Une grande soirée ou un petit repas, il y a toujours un vin qui vous convient. C'est la foire au vin dans votre hypermarché Carrefour. Alors profitez de notre grande action. 3 bouteilles de Château Laborne achetées, bam, 3 gratuites, soit seulement 4,50€ la bouteille. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Jusqu'à 15h, la vie du bon côté. Avec Michel Poulart, optimiste, audacieux, vous venez de Biarritz. Je dis ça, mais je dis rien, hein. Mais je le dis quand même. Parce qu'il y a une personne qui vient de nous écrire encore, décidément. Tous vos fans nous écrivent, hein. C'est bien, c'est rassurant. Mais moi, je vais faire comme les enfants. On parle d'enfant intérieur. Là, maintenant, je vais aller chercher le plus mauvais de l'enfant en moi, c'est que je vais bouder maintenant. Oui, bouder. Je boude, enfin, parce que vous ne me dites pas qui c'est qui me parle. Eh ben voilà, qui c'est qui m'embrasse. Eh ben, je vais vous lire. Biarritz. vous écoute en direct, Sylvie. Vous êtes un magnifique rayon de soleil car il pleut aujourd'hui à Biarritz. Excellente nouvelle pour la nature. Mais nous avions humainement besoin de vous aujourd'hui. Vous êtes là, merci la Belgique, super. Mais j'attends toujours un petit muxu de Michel. Oui, ah, attendez, mouchou, attendez. Il oui, saura c'est vous en dire basque. Un mouchou. Un mouchou, oui, ça veut dire oui, un bisou en basque, oui. Ah, d'accord, voilà. Donc, alors, j'envoie les mouchous en retour à tous mes amis basques, mais je ne sais toujours pas qui c'est, donc je boude. Osons un mouchou à l'antenne et un mouchou au monde, pas qu'à moi, à l'antenne. Michel, ça rayonnera dans le monde entier, ça guérira beaucoup de maux en un instant. Gros mouchou à tous. Oui. Mais je veux dire ça, maintenant on avait du bon côté, je vous fais un mouchou. Ben, un mouchou, c'est ce qu'on dit au Pays Basque. Donc c'est quelqu'un qui vous écoute de là-bas. C'est sympa. Ben, coucou, c'est une femme. Si tu m'entends. Mais j'ose pas le dire parce que c'est pas la vôtre, parce que je la connais la vôtre, mais c'est une autre. Mais c'est pas grave. Mais ma femme gère tout ça, il y a pas de problème. Elle s'appelle Séverine. Ah, Séverine. Ah. Coucou Séverine, heureux de t'entendre. Mouchou, mouchou, mouchou Séverine. Voilà, c'est ça, mouchou Séverine. On peut dire ça. Bon, c'est vrai que quelque part vous avez un pied-à-terre là-bas, mais vous êtes partout à la fois, vous, Michel. Oui. C'est vrai que j'ai du mal à vous suivre, parfois. C'est dingue. Et ce sont des personnes qui font appel à vous, parce que c'est ça qui m'interpelle toujours chez vous. C'est cette joie que vous communiquez, cet optimisme, puisque c'est vraiment ça, cette motivation que vous communiquez à l'invitation de personnes. Vous allez dans les entreprises, vous l'avez dit, oui. Vous allez dans les salles grand public, quoi, parfois, où on ne vous connaît pas. Rarement. Enfin, si, on connaît parce qu'on me connaît. Je veux dire, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, oui. Je suis très présent. Mais disons qu'essentiellement, j'interviens beaucoup en entreprise parce que ce sont elles qui font appel à moi. Oui. Et quand on a des événements comme le vôtre, comme qui est un événement public, je vous invite, chers auditeurs, à vous inscrire dès maintenant. Lequel? Ben, oui, la croisière. Ah, la croisière. C'est vrai que vous en avez tellement des événements. Mais inscrivez-vous à tous. Hein. Mais voilà, ce sont pour moi des moments privilégiés où je rencontre en effet le grand public. Et c'est vrai que donner des conférences face à un grand public, c'est une autre atmosphère, une autre ambiance que de la faire en entreprise. Je m'amuse tout autant, mais disons que le retour est différent. L'état d'esprit des gens qui assistent à ces genres de conférences est différent. Et quand vous leur demandez à ces gens que vous avez autour de vous la dernière fois qu'ils ont fait quelque chose pour la première fois, oui. quand ils vont réfléchir vraiment à... Ça mouline parce que c'est marrant parce que vous voyez toujours les yeux aller au plafond avec les sourcils qui froncent et vous voyez les gens réfléchir et je leur laisse quelques secondes à réfléchir, j'imagine. C'est sympa. Parce que c'est ça l'objectif aussi, c'est avoir quelques remue-ménages, poser des questions qui touchent et qui interpellent. Et qui donne envie de réfléchir et de s'arrêter un instant et de dire « Ah, j'y avais pas pensé ». Moi, je sais, j'ai vécu un truc comme ça, comme un enfant intérieur. Quand je suis allée avec mes enfants faire des courses pour la rentrée des classes, oui. Eh ben, j'ai vu un stylo dont je rêvais quand j'étais petite. Et je me le suis offert. Donc c'est bien, non, mais bien comme sûr, exemple. Mais bien sûr. Et j'étais toute heureuse, quoi. C'est génial. Toute heureuse de m'offrir ce stylo. C'est 3 euros que ça vous a coûté, ou peut-être un peu moins. Et que j'ai perdu depuis, en plus. mais au moins, ça vous a procuré une joie sur l'instant qui vous a fait du bien. Eh bien, faisons-nous du bien, c'est bon sang. C'est des trucs comme ça, quoi. Mais oui, c'est tout simple. Je ne vous dis pas dépenser 150 000 euros. Non, mais 3 euros, c'est bien. Mais 3 euros pour se faire plaisir, c'est vraiment sympa, quoi. Oui, c'est ça. L'enfant intérieur, c'est vraiment ça. Ça vous parle, vous aussi, Julie, évidemment, par rapport à cette énergie relationnelle que vous mettrez aussi à bord du bateau, je pense que de toute façon tout sera un peu relié. Même Yves Psalti qui sera avec nous à ce moment-là. Ah bah lui, viendra... l'énergie relationnelle, il va nous en donner. Vous savez quel est son conseil, Michel à... Non, on ne le dira pas. On ne le dit pas sur antenne. Beaucoup de secrets à l'antenne. On n'est pas mardi. Non, je sais ce que vous allez dire. Non, on ne peut pas dire ça. Lui aussi, il sait. Notre régisseur qui acquiesce. Ça commence par M. Si vous avez des... Chers auditeurs, si vous regardez là maintenant sur Internet, vous ratez quelque chose. Mais non, Yves, il dit toujours quoi ? Il faut dormir tout nu. C'est ça qu'il dit, Yves. Et on dormira tout nu sur le bateau. Non. Oui, mais chacun dans sa cabine. Je partage ma cabine. C'est vrai qu'il dit ça. C'est vrai qu'il dit pas que ça, mais il dit ça non, aussi. Non, mais oui, mais bon, mais vous me prenez pour qui, Sylvie Allon ? Mais je confirme. Qu'il faut dormir tout nu ? Mais bien sûr. Ah bah oui. C'est l'enfant intérieur, c'est ça ? Non, mais oui, alors ça c'est une chose, mais c'est également prouvé qu'on dort mieux nu qu'habillé. Il y a des études qui l'ont démontré. Après, on prend les études qu'on veut aussi. Mais on va essayer pour mieux dormir. On prend des études qui nous arrangent parfois. Bon, voilà ce qui vous attend dans la vallée du Douro, encore une fois, parce qu'on est là aussi pour parler de la croisière. 0475-75-70-77 si vous souhaitez avoir des renseignements du 14 au 21 avril. Amir, annoncé. C'est vrai que c'est un beau préféré. Oui, je sais qu'il sera pas là dans la vallée du Douro. Il a pas voulu venir. Il a pas voulu. Et puis il dort pas tout nu. Non, Amir. Oh, mais ça peut mais comment vous le savez? J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi, tu as tué la peur. Avec J'ai cherché, Alex s'exprime par SMS. Il dit « Je voudrais papoter de l'optimisme avec vous ». Donc voilà, on essaiera de savoir ce qu'il a à nous dire. Anthony de Virton, il nous dit « J'ai 33 ans et j'ai encore envie d'être petit. Je pense souvent à mon passé ». Ça, c'est intéressant aussi, je pense. Oui, c'est intéressant parce qu'en général, quand quelqu'un me dit ça, j'ai envie spontanément de lui poser la question « Pourquoi ?» Ouais. Ah bah oui, bah pourquoi c'est ce qu'on lui demandera. Pourquoi vous avez envie de rester petit? Ouais, c'est ce qu'on lui demandera. J'ai envie est-ce que vous assumez aussi le fait que vous soyez adulte. Voilà, ouais. À discuter, mais pourquoi? Ouais, il y a peut-être moyen de rester petit d'une certaine façon. Avec le oui. curseur, fameux curseur. Avec ce fameux curseur. J'aime bien cette image du curseur. Oui. Et dans quelques instants, nous aurons Myriam, qui il y a un mois et demi est allée dans un endroit avec ses petits-enfants et elle a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Ah, je suis curieux. Et elle veut en parler avec nous. Super. À tout de suite. Mais chérie, mais ça fait déjà 5 fois que tu rates la sortie. Tu le fais exprès ou quoi? Mais non, pas du tout. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et pack lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. À la maison, profitez plus et payez moins grâce à l'internet et à la télévision digitale d'Orange à partir de 39 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Action spéciale automne en carrelage et sanitaire. Il est temps de se faire plaisir avec des collections à tout petit budget au carrelage Salvatore Villevorde et Rossin-Genèse. .be La 2 en télé. Armé de bonne volonté, le service jeunesse de Scarbec enquête sur les familles en difficulté pour protéger les enfants. On laisse pas un enfant de 4 ans tout seul. C'est des faits graves, madame. Tout ça ne nous rendra pas le Congo. Vendredi soir, sur la 2. Viva Bruxelles présente la fête des familles pour l'inclusion des personnes handicapées. Dans une ambiance festive, participez à une foule d'activités pour tous, aux ateliers créatifs, à des spectacles ludiques. Rendez-vous le 17 septembre au stade Tordelt à Scarbec pour la fête des familles, à l'initiative de la commune de Scarbec et du gouvernement francophone bruxellois. Le Brabant Wallon présente... Le saviez-vous ? Septembre est idéal pour semer ou entretenir votre pelouse et novembre pour planter haies et arbustes. Si vous ne connaissez pas votre sol, alors demandez une analyse. Pour moins de 13 euros, le Centre Provincial de l'Agriculture et de la Ruralité s'en charge et vous donne des conseils. Info brabantwallon.be. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Michel Poulart, Julie Arcoulin, Christine Alexandre est également des nôtres. Vous serez aussi, Christine, pour notre journée d'atelier. Hein. Vous serez là aussi. Oui. Hein. Oui. Moi, je ne parle pas de séduction. Hein. Moi, je parle de différence par rapport à tout le monde, toutes les différences. Comment, quel comportement adopter face à toutes les différences. Ça peut être racial, ça peut être tout. Social, culturel, qui sont très très très pénibles à vivre et aussi l'handicap, bien sûr. Bien sûr. Donc, quel comportement adopter ? Je pense que c'est important parce qu'on a parfois peur, on est mal à l'aise et c'est savoir comment s'en sortir. Donc elle sera avec nous aussi, Christine. Christine, Julie et d'autres personnes, Jean-Marc Colson que vous entendrez lundi, Christophe Godfriot, parce qu'on fait ici en Belgique aussi, mon cher Michel, deux journées, soirées, d'ateliers, conférences. J'ai vu. Au profit de Cap Carentier. Je vous suis sur les réseaux sociaux. Oui, je m'en doute que vous êtes au courant. Vous êtes au courant. Et ce sera vraiment un super, super moment à vivre pour 48 euros, parce qu'il a fallu donner un prix. Donc voilà, 48 euros, ça nous semblait symbolique. Il y a beaucoup de personnes qui donnent en général 40 euros au profit de Cap 48. Pourquoi ? Parce qu'on a une déduction fiscale. Mais ici, voilà, on n'est pas rentré dans la déduction fiscale parce que grâce à ces 48 euros qui vont faire grimper le compteur, on leur offre 2 heures d'atelier, on leur offre une soirée conférence, on leur offre à boire et à manger, voilà, petite restauration. Des émissions en direct. Des émissions en direct, un petit concert avec une personne aveugle qui chante merveilleusement bien Natacha Saint-Pierre qui est Jessica, la visite du musée de la Beauvrie. Là oui. Aussi, il y a une super exposition en ce moment, donc voilà, vous pourrez... profitez de tout ça. Voilà. Donc, inscrivez-vous encore. L'avis du bon côté @rtbf.be, le SMS 3063 ou par téléphone 070 23 33 23. Myriam, bonjour. Bienvenue, Myriam. Bonjour et bonjour à vos invités. Bonjour, Myriam. Bonjour, Myriam. Il y a un mois et demi, vous êtes allée au PASS. Donc, Michel ne connaît absolument pas. Julie, peut-être pas non plus. Le parc d'aventure scientifique dans la région de Mons, à Frameries précisément. Voilà, c'est ça, exactement. C'est vraiment un très bel endroit à découvrir. C'est vrai. Et nous ne le connaissions pas non plus. Donc voilà, c'est la première fois avec nos trois petits-enfants, entre 14 ans et 4 ans. Et il y a là un espace à faire qui est une sorte de parcours d'équilibre, mais vraiment pas évident quand on regarde un peu comment ça se passe. C'est sur deux ou trois niveaux, je ne sais plus très très bien. Et c'est vraiment en équilibre le long des parois ou en travers, mais les étages ne sont délimités que par un filet. Donc, on ne doit quand même pas avoir trop le vertige. Et bon, quand je voyais les papas aider un enfant, je me disais, bon, bah, lui, il a quand même aussi pas mal de difficultés, donc qu'est-ce que je vais faire ? Alors, les deux plus grands disent, oh, mamie, on le fait. Alors, mon mari me dit, oh, ça m'a l'air assez dangereux. Le grand, ça va, mais la petite... la petite déçue, oui, je veux le faire. Je dis, ben, je vais y aller. Tu vas y aller ? Ben oui, je vais y aller. Puis je me suis dit, bon, je verrai bien. De toute façon, si c'est à partir de 8 ans, moi, j'en ai 62, ça ira aussi. on l'a fait, on s'est mariés comme des petits fous, et puis... D'autant plus qu'ils étaient beaucoup plus rapides que moi et passer d'un étage, c'était « Allez mamie, vas-y », donc j'étais vraiment super. J'étais toute fière de moi de leur avoir fait plaisir et d'avoir aussi fait le parcours. Quoi. Et de vous avoir fait plaisir à vous, ah oui, aussi. Myriam, ah bah voilà. Oui quand même. Donc, si je vous en parle, c'est que vraiment ça a déclenché quelque chose aussi chez moi en me disant finalement avec ces petits-enfants, on doit en profiter pour revivre ce qu'on a... d'un peu cacher avec notre vie active, avec toute notre vie, et de, d'avoir une deuxième enfance, en fait, c'est vraiment ça. Michel. C'est la cerise sur le gâteau, ça. C'est tout le bonheur de pouvoir être parent, c'est qu'on se souvient ce qu'est un enfant. Mmh. Oui. Encore faut-il se lâcher, parce que certains parents ont eux-mêmes oublié qu'ils ont été enfants. Alors, je trouve ce que vient de dire Myriam, il y a deux choses que j'aimerais soulever. La première chose, c'est ce que le papa a dit. Oula, ça m'a l'air dangereux. Et c'est juste lever du voile un petit peu les dangers que peuvent avoir les perceptions sur nos propres réalités. Ouais, ça a l'air dangereux. Après, on peut apprendre à relativiser. Est-ce vraiment dangereux? Pensez-vous vraiment qu'il y aurait des activités pour des enfants qui, dans lesquelles ils risqueraient leur peau? Oui. Voilà comment on peut aussi appréhender et gérer en effet nos perceptions qui mènent au blocage. Au fond, ils y sont allés, ils ne sont pas morts. Ah, finalement, c'est peut-être pas si dangereux que ça. Et puis, Myriam, elle a quelque chose que nous avons tous en nous, en tout cas, je l'espère, pour chacun d'entre nous, c'est l'amour. Qu'est-ce qui fait que Myriam l'a fait? C'est par amour pour les enfants. Pourquoi je dis ça? C'est que l'amour est un pouvoir, une énergie extraordinaire qui nous fait nous dépasser à chaque fois. Et quand on ne fait pas les choses vraiment avec beaucoup de conscience, on peut le faire par amour. On peut traduire ça aussi par passion. Ici, on parle d'amour. On ne se trouve aucune excuse si on aime quelqu'un ou quelque chose. On trouve toujours des moyens pour le faire. Et c'est ce qui est fabuleux quand on est parent. On fait des trucs de fou pour nos parents. Et c'est bien aussi quand on est dans un couple et quand on s'aime encore, c'est qu'on fait des trucs de fou quand on aime quelqu'un. Moi, dans ma vie, par exemple, j'ai fait des trucs de fou pour pouvoir, en effet, conquérir le cœur de ma femme. mais c'est vrai, mais l'amour, on parle d'enfance, mais ce qu'il y a aussi... on le dira en off. J'expliquerai sur la croisière. En dessous du mais, voile. En dessous du drap. Je l'expliquerai aussi à la croisière. Mais l'amour nous fait faire des trucs extraordinaires, et souvent par amour, c'est à ces moments-là où on se surpasse, où on fait des trucs incroyables. Et parfois, on se dit, mais waouh, j'ai osé faire ça. Voilà, c'est extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est que les enfants, eux, aiment inconditionnellement. Ah bah oui, eux ils se posent pas la question quoi. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher cet enfant-là qui nous permette de nous épanouir. Oh bah c'est beau ça, hein. On a bien fait de le faire venir. Oui. Et voilà, il y en a une qui pleure en studio. Bah bravo hein, Michel, franchement. J'adore faire pleurer les femmes. Il va falloir consoler maintenant. Bon, si vous souhaitez intervenir, 3063 par SMS. Si vous souhaitez avoir des renseignements concernant la croisière, 0475 75 70 77, numéro de téléphone auquel vous devez donc appeler maintenant ou plus tard. Hein. On vous enverra le programme bien entendu. Croisière du 14 au 21 avril. Le sommeil veut pas de moi, tu rêves depuis longtemps. Sur la télé, la neige a envahi l'écran. J'ai vu des hommes qui courent, une terre qui recule. Des appels au secours, des enfants qu'on bouscule. Tu dis que c'est pas mon rôle de parler de tout ça. Qu'avant de prendre la parole, c'est trop facile, tu dis que ça sert à rien. Mais c'est encore plus facile de ne parler de rien. Alors regarde, regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Alors regarde, regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Perdu dans tes nuances, la conscience au repos. Pendant que le monde avance, tu trouves pas bien tes mots. T'hésites entre tout dire et un drôle de silence. T'as du mal à partir, alors tu joues l'innocence. Alors regarde, regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal aux yeux. Regarde un peu. Tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux. Dans ma tête, une musique vient plaquer ces images sur des rythmes d'Afrique, mais je vois pas le paysage. Toujours ces hommes qui courent, cette terre qui recule, ces appels au secours, ces enfants qu'on bouscule. Regarde un peu. Je vais pas me taire parce que t'as mal. Patrick Bruel avec Alors Regarde. Vous savez qu'il y a la semaine de la mobilité que Vivacité, donc nous sommes partenaires de cette semaine de la mobilité en Wallonie à Bruxelles qui débute aujourd'hui jusqu'au 22 septembre. Le thème de cette année, c'est partager la route. On s'y met tous et tout au long de la semaine, vous aurez la possibilité de remporter des cadeaux mobilité, des abonnements Cambio, des abonnements Vilo, des cartes Mobibo ou encore un vélo électrique. Ce sera dans le 5 à 7. Et durant la semaine, on vous sensibilise aussi afin de ne pas envoyer de SMS au volant. Tous les détails de cette opération se trouvent sur www.semainemob.be. Mais s'il vous plaît, pas de GSM au volant. Un message des parents d'enfants victimes de la route. Comme nous. Viva Bruxelles et la 2 présente Bruxelles Champêtre. Participez à la plus grande fête urbaine et citoyenne le dimanche 18 septembre. Dans le Parc Royal, rencontrez plus de 100 producteurs locaux et petits brasseurs. Laissez-vous tenter par des animations des plus insolites. Vous n'aurez pas assez d'une journée pour tout découvrir. Info sur bruxelleschampêtre.be avec le soutien de la région de Bruxelles Capitale. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Je veux être surpris. Je veux le meilleur et l'unique. Je recherche les défis, la singularité, la découverte. Et j'ai trouvé ma voiture, celle qui fait la différence. Comme moi, partez à la découverte du monde de l'excellence Infiniti, chez Infiniti Brussels, 321 Chaussée de Louvain, à 1932 Woluwe Zaventem. Drive different. Be Infiniti. Chérie, combien de temps avant 22h? 8 secondes. T'es prête? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti! Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat? Je sais plus. Arrête-moi ça! Arrête-moi ça! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Dites, la Peugeot 2008, là, le grip control, elle l'a? Elle l'a. Et le high cockpit avec écran tactile, elle l'a? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a la caméra de recul et elle a le démarrage en côte aussi. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Ah oui, oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients. Parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options. Et de 3 ans d'entretien offerts sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Coucou, c'est moi, Hip. Une grande soirée ou un petit repas, il y a toujours un vin qui vous convient. C'est la foire au vin dans votre hypermarché Carrefour. Alors profitez de notre grande action. 3 bouteilles de Château Laborne achetées, bam, 3 gratuites, soit seulement 4,50€ la bouteille. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. 13h-15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Michel Poulart, avec Julie Arcoulin, avec Christine Alexandre. On parle en effet de cette croisière qui vous emmènera dans la vallée du Douro au Portugal. Et on parle aussi d'un des thèmes que vous animerez en conférence atelier. Et si nous retrouvions cet ami intérieur qui nous est propre? Anthony, bonjour. Bienvenue bonjour. Dans cette papote, Anthony. Ah, c'est vous qui nous avez envoyé un message en disant j'ai 33 ans et j'ai encore envie d'être petit, moi. J'aimerais bien redevenir petit, ou en tout cas, je pense souvent à cette période-là, c'est ça Anthony, avec nostalgie? Oui, c'est ça, je pense souvent à ce que j'ai fait quand j'étais petit, j'aimerais recommencer, et je commence à faire comme je faisais petit, avec mon enfant. Ah oui, vous avez un enfant, donc vous, quelque part, vous revivez des choses que vous aviez vécues à l'époque. Voilà. Mon enfant a 5 ans et je fais les mêmes choses quand j'étais petit. Ça me donne des frissons et c'est marrant. C'est génial. Alors, c'est sympa, Anthony, ce que vous dites. Ça veut dire que vous avez quand même eu une enfance heureuse que vous voulez reproduire pour vos propres enfants. Voilà. Donc, c'est extrêmement positif. C'est bien. Ça veut dire que vous retenez le meilleur et vous redonnez le meilleur. Oui, c'est quel vrai. Âge, quel âge a votre enfant? C'est une fille, cinq un garçon? 5 ans. C'est bien. Il a 5 ans. Ok. Et qu'est-ce qui vous... quelle est la raison pour laquelle vous avez envie d'entretenir cette enfance? Parce que mon enfance a été une très belle enfance. J'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai été souvent à la piscine, j'ai joué beaucoup avec mes copains et ça me donne envie de faire mes choses avec mon petit. Et qu'est-ce que vous avez perdu par rapport à cette enfance aujourd'hui? Ce que j'ai perdu mes copains, ouais. Je ne les vois pas beaucoup J'ai voyagé beaucoup, donc j'aimerais que mon fils voyage beaucoup et ait beaucoup de copains comme moi j'avais avant et que je les vois plus. Super. Après, j'ai envie de dire, à l'ère dans laquelle nous vivons aujourd'hui, les réseaux sociaux nous permettent de rencontrer, d'entretenir nos relations avec nos copains. Hein. Moi, grâce à Facebook, j'ai retrouvé pas mal de copains d'école primaire avec qui je discute beaucoup. Tout à fait. Et on s'est retrouvés longtemps après. Je ne vais pas dire le nombre d'années, ça va me donner un coup de Non, mais c'est une façon d'entretenir. Vous avez raison, sûr, les réseaux sociaux. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en effet, si vous avez des regrets par rapport à ça, aujourd'hui, il y a suffisamment de méthodes qui vous permettent d'entretenir, de retrouver, d'aller chercher. Bon, ça peut parfois mener à des déceptions. Peut-être, mais peut-être pas. Globalement, ce sont de bons moments parce qu'on est toujours très content de retrouver ses amis d'enfance. Mais moi, c'est une question que je pose souvent quand j'ai des professionnels à mes côtés. Oui. Vous en êtes un ? Je peux vous la poser ? Oui, allez-y, allez-y. Moi aussi, j'ai toujours beaucoup d'émotions quand je retourne dans le passé, quand je passe... Attendez, je passe devant mon école, devant mon bac à sable, qui n'est plus le mien, évidemment, mais c'est toujours le mien. Mais je sens l'odeur, mais parfois une larme me coule, mais je suis bien, vous voyez, c'est une larme d'émotion. Mais c'est positif, ça veut dire que cette enfance a été heureuse et vous voulez l'entretenir et vous le garder. Mais tout à fait, il faut le garder, ça. C'est absolument ça. Et parfois, je passe, j'ai envie de passer, juste pour que la larme coule, mais parce que je comprends. C'est une bonne énergie, quoi, vous voyez, qui me transperce. Vous avez raison. Bon. Et ça, ce sont des moments sains, entretenir. Pourquoi ? Parce que ça fait du bien. Absolument. Et on a tous besoin de se faire du bien. Voilà. Mais voilà, tant que ça fait du bien. Voilà, on Yves Psalti le dit souvent. Hein. On n'est pas non plus dans la psychose non plus. On n'est pas non plus dans des cas psychologiques où on ne veut pas devenir adulte. Mais non. Ce sont des moments qui nous font du bien. Vous savez cette fameuse Madeleine de Proust. Ah oui, bah oui. Eh bien, ce sont ces moments que nous chérissons et dont nous avons tous besoin pour se motiver, pour se donner envie, parce qu'il y a des journées qui sont parfois bof. Et qu'est-ce qu'on fait en général intellectuellement ? On a deux choix. Ou on entretient ce mauvais moment et on va encore moins bien. Ouais. Et en général, on va me passer de la musique qui va entretenir ça, on met de la musique triste et ça va mal et on s'étonne que la journée finit mal. Ou on va aller chercher dans les bons moments pour se faire du bien ou dans des bons projets qui donnent envie, comme par exemple les vacances, un projet. Avoir des projets, ça aussi c'est super important. Mais parfois on a aussi besoin d'être triste. Bien sûr, parce que toutes les émotions sont bonnes. Voilà. Bien entendu, on a besoin d'être triste. On a le droit aussi d'être. Mais je ne dis pas qu'il faut refouler ou repousser la tristesse. Non, absolument pas. Non. Toutes les émotions sont saines. Mais il y a un moment donné où il y a des gens qui adorent rester dans la tristesse, qui se victimisent et rentrent dans des pathologies dans lesquelles ils ne pourront pas développer du bonheur ou s'épanouir. Donc, mais toutes les émotions sont bonnes, bien entendu. En parlant de projet, on en a un beau du 14 au 21 avril. Oh là là, j'ai hâte. Et maintenant que je vous connais toutes des blondes, c'est exceptionnel. Vous ne connaissez pas encore Anuzel qui sera avec nous, elle est sophrologue. Et Yves Psalti, Alors, à force d'en entendre parler, vous m'avez fait peur. Ah ben oui, mais vous avez raison, Michel. Ayez tremblé. À mon avis, ses oreilles sont en train de siffler toute l'après-midi, en train de se dire mais qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, c'est nous, Yves. J'appellerai tout à l'heure en disant t'inquiète pas. Écoute le podcast. On a un peu parlé de toi, mais un peu, juste un peu. Je crois que je vais écouter moi-même des podcasts lorsqu'il est invité pour écouter, entendre ce qu'il est. Surtout ce mardi, c'était un sujet très hot. D'accord. Mardi, donc voilà. Yves Psalti qui fera aussi partie de la croisière dans la vallée du Douro. Numéro de téléphone pour les renseignements 0475 75 77. As the day will come to shore and wash me up at your front door, never knew you'd take me back. Now it seems if all too clear, funny how this works, my dear. Only dawn could bring back. No, now's the time to understand. No, and now I see how we could. We'll be right back. sur Viva Puggy et Soul. Bon, dans quelques instants, le mot de la fin concernant cet ami intérieur qu'il faut absolument, absolument réveiller en soi. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise ? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. La Meuse, la Nouvelle-Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale vous offrent une entrée gratuite pour le plus beau parc miniature d'Europe à Bruxelles. Ce samedi 17 septembre, recevez une entrée adulte d'une valeur de 15€ à l'achat de votre journal. Une excursion magnifique pour toute la famille. Une place gratuite dans chaque journal, c'est ce samedi 17 septembre. Encore une exclusivité. Imaginez-vous vivre dans une maison Étienne Piron. Laissez-vous guider et découvrez notre savoir-faire unique le week-end des 17 et 18 septembre de 11 à 18 heures, rue de la Potresse à Bouges. Étienne Piron, symbole de qualité. Peugeot Olivier. Oh yeah. Venez découvrir notre nouvelle concession Peugeot à Tubize. Peugeot Olivier vous accueille dans son vaste nouveau showroom. Chaussée de Mons 377 à Tubize, à 2 minutes du centre. Tu as remarqué, plus les journées raccourcissent, plus les nouvelles collections automne augmentent. Toi, tu es passé chez Espace Mode. Et je compte bien y retourner avec toi. Stop aux automnes moroses. Espace Mode présente toutes les nouveautés de la saison dans les marques les plus tendances. Sweat, jupe, pull, pour toute la famille et pour tous les goûts. Espace Mode sera ouvert ce dimanche 18 septembre de 10h à 17h. Espace Mode à Péroué et à Genval. Retrouvez-nous sur Facebook et notre e-shop espacemode.be. Viva Bruxelles présente les 800 ans de Saint-Gilles. Vivez la fête d'ouverture au Parvis de Saint-Gilles en famille ou entre amis. Animation pour enfants, théâtre de rue, cours de danse, live painting et concert exceptionnel de The Plains. Le samedi 17 septembre, dès 16h, info stj800.be. Un événement organisé par la commune de Saint-Gilles et les rencontres saint-gilloises. La vie du bon côté. Oh, je pense qu'on l'a pas encore pris du bon côté, hein, la vie cet après-midi. Hein, 2 heures. On aurait pu faire mieux quand même. Oui, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer dans le fond ? Qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer ? Bon, si les personnes doivent vraiment, à partir de 15 heures, se dire bah oui, moi je vais retourner vers cet ami intérieur, je vais essayer de redevenir copine, copain avec lui. Oui, il faut. Oui, il faut. Bon, alors toi, mon ami intérieur, tu vas m'écouter. Oui, alors si c'était si simple, ça se saurait. Oui. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on met en place ? Donc déjà faire des choses, avoir des petits coups de folie, s'autoriser des coups de folie. Oui. Alors déjà s'autoriser des petits coups de folie et puis peut-être aller chercher son ami intérieur, c'est aussi ça demande de la concentration. Prenez le temps d'être avec vous. C'est-à-dire que vous isolez dans une pièce, dans un endroit, ou même en extérieur, dans un endroit où vous allez vous sentir bien. D'accord ? Parce que vous ne pourrez pas rentrer en contact avec votre ami intérieur si vous-même, il y a plein de distractions extérieures. Éteignez la télé, éteignez la radio. Après cette émission, pas avant. Sauf de 13h à 15h. Et retrouvez-vous seul avec vous-même. Fermez les yeux. Allez vous souvenir. Et essayez de rentrer en contact avec vous-même. Fermez les yeux et essayez de vous imaginer, par exemple, devant une prairie. Vous êtes au milieu d'une prairie. Ou n'importe quel autre décor que vous voudriez avoir. Ça peut être une plage, ça peut être la montagne, peu importe. Et au loin, vous voyez un personnage. Et approchez-vous de ce personnage, progressivement. Et non. Vous vous approchez progressivement, vous voyez que c'est vous que vous voyez. Ah, vous vous mettez un petit peu dans un état externe. Vous voyez que vous êtes là. Et la première chose que vous vous dites, que vous faites, c'est vous réconcilier, vous dire bonjour, ouais, vous faire une accolade, vous faire un câlin, et on continuera après la pub. Non, parce que l'émission est finie, donc malheureusement, oh, je lève mon doigt parce qu'on doit se quitter. Au revoir Michel Poulard, c'était très un vrai plaisir. Au revoir, oui, Julia Coulin. Au revoir Christine. Au revoir Michel. Au revoir Christine. Au revoir à toutes. On dit à bientôt. Hein. À bientôt, ah bah oui, de toute oui, façon. La croisière est peut-être même avant. Oh, oui, mais on va encore vous en parler, bien entendu. Dans quelques instants, c'est l'émission Aller-retour qui s'installe. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Bon après-midi à tous. Nous allons connaître un ciel plus menaçant sur le littoral et l'ouest du pays. On y attend ce soir de la pluie, parfois assez abondante. Sur les autres régions, ce sera encore un partage entre éclaircies et passages nuageux. Le risque d'averse est faible. 17 à 22 degrés, 24 encore en Campine. Les pluies vont se poursuivre sur l'ouest et même sur le centre demain matin, mais en faiblissant. Demain après-midi, un temps un peu plus sec. Et puis, d'autres averses reviendront cette fois par le Grand-Duché et l'Allemagne demain en fin de journée. Dimanche, on retrouve un temps assez gris au sud du Sion-Sambre-et-Meuse avec des averses plus tôt le matin. L'après-midi sera plus sèche. Les températures seront samedi et dimanche proches de 17 à 21 degrés. Et en accompagnement, le chef vous propose un émincé de rhizome de soja aux graines germées de navet chilien. Non merci, je préfère nature. Votre maison aussi, préférez la nature avec Naturhome. Découvrez vous aussi la qualité des maisons et villas en bois Naturhome lors de nos portes ouvertes à Anus le 18 septembre après-midi. Info sur naturhome.be. Naturhome, naturellement exceptionnel. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient lundi de 8 à 9 pour bien démarrer la journée sur Vivacité et sur la Une. Exiger un parquet de qualité qui respecte l'environnement, c'est bien. Mais si en plus il est traité afin que vos enfants puissent jouer dessus sans subir d'émanations nocives, c'est encore mieux. Pour vous, pour votre santé, pour le respect de la planète, optez pour les parquets du monde. Les parquets du monde à Etterbeek. Mais ma chérie, je ne peux pas demander conseil à Abbey Home pour la couleur du nouveau canapé. Et pourquoi pas, ils ont les meilleurs conseillers, tu sais. Seulement pour les portes, les fenêtres et les vérandas, chérie. Et pas pour les canapés. Non. Abbey Home, depuis 38 ans, les meilleurs spécialistes. Mais seulement pour vos châssis. Abbey Home, fenêtres, portes, vérandas. Renseignez-vous sur abbeyhome.be. Les souvenirs de vos vacances s'effacent, la pression vous gagne peu à peu. Lâchez tout et venez vous évader à l'hippodrome de Wallonie. Originalité, spectacle et émotion seront au rendez-vous ce dimanche 18 septembre dès 14h à l'occasion des finales du Derby. Au programme, courses de qualité, bar à cocktails, show équestre et animation gratuite pour les enfants. N'hésitez plus et rendez-nous visite ce dimanche 18 septembre dès 14h à l'hippodrome de Wallonie. 4 euros l'entrée, gratuit pour les moins de 16 ans. Hippodrome de Wallonie. 31 route de Wallonie, Aglin ou sur hippodromedewallonie.be. Et vous écoutez Vivacité, il est 15h. L'info à 15h vous est présentée par Justine Hermans. Bonjour à tous. La manifestation à Charleroi se termine. Manifestation en soutien aux travailleurs de Caterpillar Gosselies. Les syndicats ont notamment lancé des appels aux responsables politiques à la fin du cortège. Ils disent avoir entendu leur déclaration après l'annonce de la fermeture de l'usine. Les syndicats maintenant veulent que les femmes et les hommes politiques aillent jusqu'au bout, qu'ils soutiennent les travailleurs. Aujourd'hui, à Charleroi, environ 5000 personnes ont manifesté. Prolonger les mesures de soutien aux indépendants et aux PME, c'est ce que souhaite l'UCM, l'Union des classes moyennes. Ces mesures avaient été prises après les attentats de Bruxelles. Les commerçants en ont fortement souffert. L'UCM demande une prolongation de 2 trimestres, notamment de la possibilité pour les indépendants de reporter d'1 an leur cotisation sociale.